Veuillez écouter « Vient de paraître », pièce en quatre actes d'Édouard Bourdet, avec dans les principaux rôles Jacques Duby, Daniel Vol, Albert Medina et Bernard Lavalette. Réalisation Henri Soubéran. À la suite de cette émission, Catherine Bourdet dirigera une tribune concernant le rôle positif ou négatif des prix littéraires. La maison d'édition de Julien Mosca. À gauche, le hall des visiteurs, qui est aussi la salle d'expédition des livres. À droite, le bureau de Mosca. Dans le hall, Amédée, vieil employé, et Henri, jeune employé, sont occupés à la pesée des envois postaux. Coulon, 6 exemplaires, 1 kilo. Larousse, 3 exemplaires, 600 grammes. Picard, 25 exemplaires, 5,5 kg. Fleury, 20 exemplaires, 4,5 kg. Librairie Montmartroise, 3 exemplaires, 600 grammes. Librairie Montmartroise, 600 grammes. Oui. Ah! Bonjour, monsieur Brigaillon. Bonjour. Le patron est là ? Pas encore arrivé. Vous voulez voir monsieur Félix ? Oui. Monsieur Félix ? Oui. Monsieur Brigaillon demande à vous parler. Je viens. Ah, bonjour, Félix. Monsieur Brigaillon ? Mosca n'est pas là ? Ah, il ne va sans doute pas tarder si vous voulez l'attendre. Non, je suis pressé. Et pourtant, j'ai quelque chose d'urgent à lui dire. Enfin, d'urgent pour lui. Ah ? Et c'est au sujet du prix. Voyons, si je reviens dans une demi-heure, il sera là ? Oh, sûrement. Vous pensez à un jour de prise là ? Bon, alors je vais faire une petite course et je reviens. À tout à l'heure. Entendu, monsieur Brigaillon. Dites donc, monsieur Félix, il ne doit pas y tenir, Brigaillon, à ce que ce soit Maréchal qui ait le prix. Et pourquoi ? Bah tiens, parce qu'il est candidat, lui aussi. Il sait bien qu'il n'a aucune chance. Le patron a dit que lui, ce serait pour le prix Georges Sand. Ah. Oh, attention, un raseur. Qu'est-ce que c'est donc celui-là ? Ça fait 3 fois qu'il vient pour voir le patron. Vous désirez, monsieur ? Je voudrais voir monsieur Mosca. Ah, il n'est pas là, monsieur. On m'avait dit qu'à cette heure-ci, j'avais des chances de le trouver. C'est que vous avez choisi un mauvais jour. Ah ? Et je ne sais pas s'il pourra vous recevoir, il est très occupé en ce moment. Oh, je suis déjà venu plusieurs fois pour le voir. C'est à quel sujet ? Je lui avais écrit pour lui demander un rendez-vous, mais il ne m'a pas répondu. Vous ne savez pas s'il a reçu ma lettre ? Vous vous appelez ? Fournier. Ah, oui. Oui, c'est vous qui l'avez connu à la guerre. Non, pas à la guerre. Au régiment seulement. Nous avons fait notre service ensemble, à Châteauroux. Ah. Oui, je me demandais ce qu'il était devenu, quand l'autre jour, place Saint-Michel, je vois passer une auto... Monsieur Félix. Quoi ? Voilà, monsieur Maréchal qui arrive. Ah, pardon. Bonjour, Félix. Alors, on va pouvoir bientôt vous féliciter. J'espère, mais c'est pas encore fait. Oh, il paraît que c'est couru. Monsieur Brigaillon qui sort d'ici le disait encore à l'instant. Mais je crois que j'ai beaucoup de chance, évidemment. Enfin, on ne sait jamais. Mosca est là ? Non, pas encore. J'avais rendez-vous ici avec lui et Bourgine à 11h30. Bourgine n'est pas venu. Je ne l'ai pas vu. Le patron a dit de vous faire signer ses clichés. Il faut que ça parte avec les premières livraisons, c'est pour les vitrines. Montrez-moi ça. Enfin, j'avais dit que je voulais qu'on agrandisse celle où je suis de profil. C'est assommant à la fin. Hein, donnez-moi une grosse plume. Voilà, monsieur Maréchal. Je voulais encore passer chez Malabert avant qu'il n'aille au déjeuner. Je le manquerai, c'est sûr. Allez-y, et puis vous reviendrez ici après. C'est ça. Bon, vous direz au patron quand il arrivera que je serai de retour dans 20 minutes. Entendu, monsieur Maréchal. Félix, des commandes ce matin pour mon bouquin ? Ah, pas encore. On attend le résultat du prix. C'est cet après-midi que ça va parler. Oui. Vous avez pris vos dispositions pour livrer. Soyez tranquille. La camionnette pour les expéditions de province est déjà chargée, prête à partir. Très bien. Allez, à tout à l'heure, Félix. À tout à l'heure, monsieur Maréchal. C'est Maréchal, le romancier, ce monsieur ? Lui-même, oui. D'après ce qu'il disait, c'est lui qui va avoir le Prisola. On en cause, oui. C'est ça, son roman? Oui, mais prenez garde de ne pas déchirer la bande. Hein. Prisola, 1927. Ah, on les prépare d'avance. Bon, naturellement, oui. Dites donc, Henri. Oui? Ah, vous êtes encore là? Comme je vous le disais quand on nous a interrompu. Vous ne savez pas, à votre place, je repasserai un autre jour, parce que ce matin... Mais quel jour? Eh bien, un jour de la semaine prochaine, par exemple. Vous n'êtes pas à 24 heures près, n'est-ce pas, du moment que c'est seulement pour lui dire bonjour? Mais c'est que j'aurais voulu aussi... Quoi? J'ai apporté un manuscrit que... Ah, nous y voilà. Ça m'étonnait aussi. C'est de vous? De moi, oui. Alors, vous écrivez? Oui. C'est-à-dire, je n'en fais pas absolument mon métier. Ça vaut mieux. Je suis aussi au ministère des Finances. Oui. Eh bien... C'est mon deuxième ouvrage. J'ai déjà fait paraître l'année dernière... Laissez votre manuscrit, je le remettrai sans faute à Monsieur Mosca de votre part. Mais si j'avais pu voir Monsieur Mosca lui-même... Ah, vous tenez à l'attendre, eh bien, attendez-le. Ah, merci. Ah, voilà le patron avec Monsieur Bourgine. Vous avez le livre des cours? Oui, je l'ai mis dans son bureau. Bon. Félix, monsieur, entrez dans mon bureau, Bourgine, je vous rejoins. Ariadna, Félix. Monsieur Maréchal sort d'ici, il reviendra dans 20 minutes. Bien, c'est tout? Monsieur Brégaillon est venu tout à l'heure, il va revenir. Bah, vous lui direz que je n'ai pas le temps de le revoir ce matin. Il a quelque chose d'urgent à vous dire. Oui, plus tard, demain. C'est au sujet du prix. Ah? Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il fallait qu'il vous parle, que c'était très urgent. Ah? Y a encore autre chose? Non. C'est-à-dire, il y a ce monsieur qui est déjà venu plusieurs fois. Quel monsieur? Celui que vous avez vu en entrant. Il dit qu'il vous connaît, qu'il a fait son service avec vous. Il s'appelle Fournier. Ah! Oh, j'ai autre chose à faire qu'à recevoir les camarades de régiment qui repassent. Le livre des courbes? Le voici, monsieur. Bien, merci, monsieur. Monsieur Fournier... Monsieur Mosca regrette beaucoup, il est très occupé, il ne peut pas vous recevoir en ce moment. Ah, oui, j'ai bien vu qu'il ne me reconnaissait pas. Vous ne lui avez pas dit mon nom? Si, il vous prie de bien vouloir repasser. À quelle heure? Il n'a pas dit d'heure. Ah, eh bien je vais aller faire un petit tour et puis je reviendrai. Comme vous voudrez. Je vais prévenir Monsieur Mosca. Fournier repassera dans un moment, monsieur. Que dois-je lui dire? Qu'il repasse encore. Compris? Oui, monsieur. Asseyez-vous, mon cher Bourgine. Merci. Alors, vous me disiez que des plantes... Vous pouvez être tranquille de ce côté-là. Il marchera à fond pour Maréchal, il me l'a promis. Bah, les autres? Lurie marchera avec des plantes, il ne jure que par lui. Et puis? Je ne parle pas de Malabert ni de moi-même, qui naturellement... Somme tout acquis à Maréchal. Oui, ça va de soi. Mais, et Scipion? Ah, là, j'ai eu du mal. Mm-hmm. Il m'a dit qu'il n'avait pas lu le roman de Maréchal, non plus qu'aucun des autres, d'ailleurs. Qu'on lui en avait beaucoup parlé, évidemment, mais qu'on lui avait dit également beaucoup de bien de celui de Racapelle. Mm-hmm. Bref, il hésitait. Et vous lui avez dit que le roman de Racapelle ne valait rien, j'espère? Non. J'ai fait mieux. Je lui ai dit que Soudé faisait ouvertement campagne pour lui. Ça l'a décidé, il votera pour Maréchal. Bien. Et il y en a toujours trois ou quatre qui votent comme lui sans rien savoir. De confiance. En somme, que reste-t-il contre nous? Noisy et les deux ou trois indécis qu'il pourra entraîner derrière lui. Ouais. Et si vous lui faisiez une proposition de ma part? À qui? À Noisy? Ouais. Vous n'y pensez pas? Il est trop tard, le jury se réunit dans une demi-heure. Et puis, quelle proposition? Dites-lui qu'on songe à lui pour la critique dramatique de Lutetia. Comment? Et Moissac? Il a demandé qu'on lui rende sa liberté à partir du mois prochain. Ah? Ben, Noisy avait demandé cette critique autrefois. Et... Que dites-vous de mon idée? Je vous ferai simplement remarquer, cher ami, que... Moi aussi, je vous l'avais demandé. Enfin, quel intérêt a-t-il pour vous? Faites pas de théâtre! Il n'y a aucune raison pour que je ne m'y mette pas, comme les autres. Quoi? Vous? Pourquoi pas? Je suis même un peu surpris que vous n'ayez pas songé à moi plutôt qu'à Noisille. Eh ben, n'en parlons plus. Je ne donne pas suite à mon idée, voilà tout. Puis-je compter alors que vous me ferez l'honneur, le moment venu, de songer à moi? Vous avez profité des occasions, vous. Merci. Je me sauve. Le rendez-vous est pour midi. On a décidé cette année de voter d'abord et de déjeuner ensuite. L'idée est de Scipion qui n'aime pas être bousculé pendant sa digestion. Dans une heure ou plus tard, vous saurez le résultat. Vous m'envoyez quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Attendez. Henri? Oui, monsieur? Henri, tu vas accompagner monsieur Bourgine au déjeuner de Zola. Tu attendras comme l'année dernière et tu me téléphoneras les résultats dès que monsieur Bourgine te les aura communiqués. Tu comprends? Oui, monsieur. Comptez sur moi pour faire tout ce qui sera nécessaire et soyez tranquille. Même sans Noisy, nous gagnerons. Au revoir. Au revoir. Oui. Monsieur Brégaillon est là. Il entre. Bien, bien, monsieur. Entrez. Bonjour, Brégaillon. Vous avez quelque chose à me dire? Vous allez peut-être trouver que je me mêle d'une chose qui ne me regarde pas. Croyez dans tous les cas que ma démarche m'est dictée par mon amitié, mon cher Mosca. Alors? Et puis-je vous demander quelles sont vos intentions à l'égard de Maréchal? Mes intentions? Oui. Considérons le vote comme acquis. Qu'allez-vous faire? Le lancer, comme je fais d'habitude, quoi, bien, toujours. Bien. C'est-à-dire que vous allez faire une publicité considérable autour de son nom, que vous dépenserez pour ça ce qu'il faudra, et qu'en somme, cette première affaire ne vous apportera pas grand bénéfice. Vous pouvez même dire que j'y serai de ma poche, enfin, c'est normal. Sauf de très rares exceptions, un auteur, enfin je parle de ceux qui se vendent, ne commence à rapporter qu'à son troisième ou quatrième volume. L'inconvénient de se spécialiser dans les jeunes, mais que voulez-vous, j'aime ça, moi, ça m'amuse. Oui, mais revenons à Maréchal. Votre intention est donc bien de publier son prochain roman? Naturellement, le prochain et puis les suivants. Vous avez signé un contrat avec lui à ce sujet? Oui, enfin, pas encore, mais enfin, c'est pas de soi. Le Maréchal ne signera pas avec vous pour son prochain roman. Parce que? Parce qu'il a signé ailleurs. Vous dites? Chamillard vous l'a soufflé. C'est pas vrai! Ils ont signé un contrat hier soir pour les trois prochains romans de Maréchal. Ils touchent 25 000 à titre d'avance. Asseyez-vous, Brégaillon. Dites-moi, Brégaillon. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas, que quand on avance une chose comme celle-là... Il faut en fournir la preuve, n'est-ce pas? Oui. J'ai vu le contrat. Comment l'avez-vous vu? On me l'a montré. Qui? La seule personne qui soit au courant de l'affaire, en dehors de Chamillard et de Maréchal. Cette personne m'est toute dévouée. Qui est-ce? Quelle est la personne qui, inévitablement, est au courant de vos contrats, ici? Dactylo. Ben voilà. Pourquoi a-t-elle fait ça? Petite vengeance. Contre Maréchal? Oui. Elle l'aime? Elle l'a aimé, avant qu'il ne se spécialise dans les femmes du monde. Ouais, mais il l'a plaqué? Oui. Et vous, vous avez pris sa succession? Oh, ça, mon cher. Non, ouais, ça... d'ailleurs, ça m'est égal. Félix? Oui? Oui? Monsieur, prenez mon auto à la porte. Faites-vous conduire en grande vitesse chez Dréan, où a lieu le déjeuner Zola. Demandez si Bourgine est arrivé. S'il est là, faites-le appeler. S'il n'est pas encore là, attendez-le à la porte et dites-lui qu'il me téléphone immédiatement. Vous entendez? C'est très, très grave. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Maréchal est un salaud. Allez, vite! Brégaillon, donnez-moi une cigarette. Oh, pardon. Je ne croyais pas Chamillard aussi roublard que ça. Il a fait des progrès. Ah, c'est bien joué. Vous faisiez toute la publicité autour du prix Zola, et une fois Maréchal lancé par vous dans le grand public, c'est Chamillard qui en profitait. C'était pas mal imaginé, il faut le reconnaître. Voyez-vous, il y a quelque chose de très grave pour moi dans cette affaire. Quelque chose de beaucoup plus grave que l'argent que j'aurais pu gagner avec Maréchal et que je ne gagnerais pas. C'est que je me suis fait rouler. C'est la première fois que ça m'arrive, et ça c'est mauvais. C'est très mauvais. Je ne peux tenir le coup dans le métier que je pratique de la façon dont je le pratique qu'à la condition d'être toujours et partout plus fort que les autres. Alors quoi? Alors je vais tâchez de ne pas encaisser. Comment ? Allô ? Oui, c'est moi. Bien. Allô ? Allô, c'est vous, Bourgine ? Quoi ? Il n'y a encore rien de commencé. Bon, alors écoutez bien. À la suite d'un renseignement qui vient de me parvenir, et que je ne peux pas vous dire dans le téléphone, je n'ai plus, mais plus du tout, vous m'entendez ? De raison de souhaiter que Maréchal ait le prix. J'en ai au contraire de souhaiter qu'il ne l'ait pas. Vous me comprenez ? Mais non, je ne suis pas fou ! Il y a 10 minutes, je ne savais pas ce que je sais maintenant. Oui, eh ben voilà, voilà, voilà. Alors, pour Malabert, vous allez lui répéter purement et simplement ce que je viens de vous dire. Pour déplanter les autres, agissez avec plus de diplomatie. Eh ben, dites que, pris de scrupules, au dernier moment, vous avez voulu relire le roman de Maréchal et que cette seconde lecture vous a beaucoup refroidi, tandis qu'au contraire, la même expérience avec celui de Brégaillon. Brégaillon, par exemple, vous a convaincu de sa supériorité. Quoi ? Non mais Brégaillon ou un autre, ça m'est égal. Et laissez entendre discrètement à des plantes et à ceux qui nous sont favorables que je suis d'accord avec vous. Enfin, oui, arrangez ça, je m'en rapporte à vous. L'important est que ceux dont le vote allait à Maréchal à cause de moi sachent que je leur rends la liberté. Hein ? Vous voyez bien la situation ? C'est ça. À tout à l'heure, mon bon ami. Eh ben, vous êtes gentil, vous. Vous n'aviez pas de chance. Il y a 8 jours, oui, on aurait pu essayer, mais là, non, c'est trop précipité. Ben, qu'en savez-vous, puisqu'ils font tout ce que vous voulez ? Ne croyez donc pas ça. Hein. C'est comme aux courses, mon cher. On peut, au dernier moment, empêcher son meilleur cheval de gagner, mais ça ne signifie pas qu'on puisse faire arriver un tocard à sa place. Ah ben, merci pour le tocard ! Non, ne vous fâchez pas. Vous aurez le prix Georges Sand. Là, un peu de patience, que diable. À défaut de Maréchal, c'est Racapel qui va avoir le prix. Ouais, c'est possible. Racapel, c'est-à-dire Chamillard. Vous avez réfléchi à ça ? Mais je n'en veux pas, Chamillard. En faisant ce qu'il a fait, il était dans son rôle. C'est un maréchal que j'en veux. Mais dites-moi, ça va vous coûter cher. Tous ces volumes prêts à partir que j'ai vus à côté en entrant, ça va vous rester sur les bras. Ouais. Mais vous avez tiré à combien ? 15 000 ici et 10 chez le brocheur, ben ça fait 25 000. Et ça vous est égal ? Entrez. Monsieur Maréchal est là. Une seconde. Non, Brégaillon. Une seconde. Non, ça. Mais ces 25 000 exemplaires du roman de Maréchal que je ne vendrai pas représentent le prix un peu élevé, peut-être, qu'il me plaît de payer les 10 minutes de conversation que je vais maintenant avoir avec lui. Ah, dites donc, vous n'allez pas lui dire que c'est moi qui... Non, rassurez-vous, je ne brûle jamais personne. Vous n'avez pas spécialement envie de le rencontrer, sans doute. Pas spécialement, non. Bon, alors, passez par là. Voilà. Tournez à droite et suivez le couloir. Vous arriverez dans la cour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À nous deux. Monsieur Maréchal. Je peux entrer ? Entrez, Maréchal. Comment ça va ? Mal. Je suis dans un état d'énervement, pas vous ? Non, moi je suis à peu près tranquille. Ah, vous avez de la chance. Midi, oui, mais ils sont en séance. Ah, dites donc, Maréchal, puisque nous avons un moment, voulez-vous que nous régularisions nos engagements ? Quels engagements ? Bah, pour l'avenir, enfin, pour le prochain bouquin. Ah oui, oh, nous avons le temps. C'est pas pressé. Oui, puisque nous sommes là, tous les deux, et que nous n'avons rien à faire. Bah, alors, nous disons donc, entre les sous-signés, Monsieur Gilbert Maréchal, demeurant à Paris. Au fait, Mosca, j'oubliais, vous avez vu Bourgine ? Oui. Alors, entre les sous-signés, Monsieur Gilbert Maréchal, etc., d'une part. Et M. Génie Mosca, etc., d'autre part, il a été convenu ce qui suit. Mosca, vous êtes absolument sûr de Malabert, n'est-ce pas ? Absolument. Alors, Monsieur Maréchal réserve à M. Mosca, qui accepte. Et des plantes, parce que qu'est-ce que Bourgine vous a dit de des plantes ? Qu'on pouvait compter sur lui. Oui, je le crois. À Monsieur Mosca, qui accepte, pour tout le temps que durera sa propriété littéraire, celle de ses héritiers ou ayants droit, tant sous la législation actuelle que sous la législation future, le droit exclusif, illustration acceptée, d'impression, de publication et de vente, tant en France. France qu'à l'étranger, oui. Ses trois prochains romans à dater de ce jour. Nous sommes d'accord jusqu'ici, hein? Écoutez, mon cher ami, je vais probablement vous sembler tout à fait ridicule, mais je vous demande de ne pas signer ce contrat maintenant. Pourquoi ça? Ah, je suis très superstitieux, hein, vous le savez. J'ai l'impression que ça ne nous porterait pas chance pour le prix. Faut pas être nerveux comme ça, voyons. Alors, pour prix de cette session, Monsieur Mosca paiera un Monsieur Maréchal à titre d'avance sur le premier livre à paraître, la somme de 40 000 francs. Hein? Combien? 40 000 francs, oui. Condition suspensive. Au cas où le roman de M. Maréchal, actuellement soumis au jury du prix Zola 1927, ne remporterait pas ce prix, le présent contrat serait nul et non avenu. Bien entendu. Pardon, cher ami, mais vous me verseriez 40 000 francs? Oui, à titre d'avance, eh bien, oui. Mais vous m'aviez parlé de 15 000 seulement. Vous croyez? Ah, mais j'en suis sûr. Sans ça... Et sans ça quoi? Non, mais écoutez, cher ami, voulez-vous me donner jusqu'à ce soir? Jusqu'à ce soir. Tenez, mieux que ça, donnez-moi une heure. Dans une heure, je reviens et je vous assure... Enfin, je crois pouvoir vous assurer que... Vous croyez pouvoir m'assurer quoi? Eh bien que je signerai ce contrat. Comment? Vous ne pouvez donc pas le signer maintenant? Non, je vous explique, je suis très, très superstitieux et... Non, vous allez le signer tout de suite. Et voyons, dédit, oui. Un dédit réciproque de 50 000 francs est prévu au cas où... Non, cher ami, non. Je vous assure, c'est inutile. Je ne pourrais pas me signer en ce moment. Hein? Vous ne pourriez pas? Non. Mon pauvre maréchal. Quoi? Rien. Mais pourquoi avez-vous dit, mon pauvre maréchal? Allô? Oui? Bon, j'écoute. Attends que je clique. Hein. Attends, recommence, s'il te plaît, oui. Bien. Qu'est-ce que ça? Non, mais qu'est-ce que c'est que celui-là? C'est tout? Ah, merci, entendu. Non, je ne bouge pas d'ici. Oui. Est-ce que c'est... Ça, c'est le résultat du premier tour, oui. Comment du premier tour? Alors, j'ai pas eu la majorité? Non, c'est même Racapel qui vient en tête. Hein? Tenez, voilà les chiffres. Racapel, 4 voix, Maréchal, 3 voix. 3 voix? Evenos, 2 voix. Mais qu'est-ce que c'est que cet Evenos? Je sais pas. 3 voix. Brégaillant, 1 voix, 4 et 3, 7 et 2, 9 et 10, oui, ça fait le compte, quoi. Enfin, voyons, c'est impossible. C'est Henri qui vous a téléphoné. Non, c'est insensé, mais... Enfin, Mosca, dans l'hypothèse la plus défavorable, c'est Lucie Pion et son groupe marchaient contre moi avec Noisy. Mais j'étais quand même assuré d'un minimum de 6 voix au premier tour. Enfin, c'est-à-dire que j'avais la majorité. Alors, comment expliquez-vous? Mais je ne l'explique pas, cher ami, je constate, voilà tout. Vous ne pouvez pas rappeler Henri pour lui demander des détails? Il va me retéléphoner dans un instant, dès qu'on saura le résultat du deuxième tour. Ayez un peu de patience. C'est des plans qui m'a lâché. Voilà, c'est des plans qui m'a lâché. Ah, j'aurais dû me douter que, sous son air bonasse, il cachait une arme de traître. C'est que des âmes comme ça, on en rencontre plus souvent qu'on ne croit. Allô? Oui, bien. Oui? Oui? Ah. Alors, il y a un troisième tour? Non, mais qu'est-ce que c'est que cet Evenos? Mais qui vote pour lui? Alors, tâche donc de savoir d'où il sort, n'est-ce pas? Oui, merci. Eh bien? Vous avez perdu un rang? Non. Oui. Racapel reste en tête avec ses 4 voix, à égalité avec cet Evenos, dont personne ne sait rien. Vous venez ensuite avec 2 voix. Une de moins qu'au premier tour. Oh, c'est un coup monté, c'est un guet-apens. On m'a frappé par derrière. Ah, les lâches, les... Mais enfin, Mosca, dites quelque chose. Vous restez là, comme si ça vous était égal. Mais ça ne m'est pas égal. Enfin, Mosca, avez-vous dit oui ou non que vous étiez sûr, absolument sûr de Bourgine, de Malabert et de Desplantes? Sans compter ceux comme Lurie, qui votent toujours avec Desplantes? Mais ils auront changé d'avis. Changé d'avis, on ne change pas d'avis. Ces gens-là se sont moqués de vous, voilà tout. Non, Maréchal. Ils ne se sont pas moqués de moi. On ne se moque pas de moi. Personne. Vous entendez? Personne. Ou alors on le paye très cher. Souvenez-vous de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, vous n'avez pas compris? Non. Comme vous avez été bête, maréchal, mon ami. Bon, il fallait venir me dire, Chamillard m'a offert 25 000 francs d'avance pour mon prochain roman. Je vous en aurais donné 30 et tout aurait été dit. Au lieu de ça, vous avez fait des cachotteries. Vous voyez? Oui? Où ça nous a amené? Alors, c'est vous qui m'avez enlevé le prix. Ah, donc, c'est-à-dire que privé de mon appui, votre bouquin a dû se défendre par son seul mérite. Ah ben, 2 voix sur 10, c'est déjà pas si mal. Mosca, vous êtes un misérable. Mais non. Je n'ai pas les moyens d'être jabard, voilà tout. En tout cas, vous savez ce que ça vous coûte, à vous aussi, cette petite affaire. Bon, ça ira dans les 60 000, à peu de choses près. Quoi. Oui, vous ne trouvez pas que c'est un peu cher? Affaire d'opinion, moi je trouve que ça les vaut. Et vous ne vous êtes pas demandé ce que j'allais faire, moi? Non. Vous avez eu tort. Il y a un joli article à écrire sur vos méthodes, mon cher Mosca. Vous feriez ça? Eh, pourquoi pas? Alors ça devient une affaire de publicité à laquelle je n'avais pas songé, qui peut être des plus intéressantes. C'est ce que nous verrons. Je vous en prie, quand vous voudrez. Alors adieu, Mosca. Sait-on jamais. Au revoir, peut-être. Ça m'étonnerait. Ah, voilà tous les deux. Alors, c'est fini? Oui, le téléphone était encombré de journalistes, alors Félix m'a attendu dans l'auto. Eh bien. Invraisemblable, c'est Thévenos qui a le prix. Non. Par 6 voix contre 3 à Racapelle et 1 à Brégaillon. Mais d'où l'ont-ils sorti? Ah, ça. Ça, personne ne sait. On n'en avait jamais entendu parler. Ah, enfin, le livre a été édité quelque part. Oui, à Orléans, chez un nommé Guillaumin. Guillaumin, ça vous dit quelque chose, ça? Ah oui, c'est un de nos clients, un petit libraire. Il paraît que ça n'a été tiré qu'à 1000 exemplaires. Pas plus? Comment ça s'appelle? L'éveil du cœur. Ah, mauvais titre, ça. Et il paraît que c'est Scipion qui a amené toute l'affaire. Et vous savez pas pourquoi? Eh bien, parce que sur les 15 candidats qu'il y avait pour le prix, c'est le seul qui ne lui a pas fait demander sa voix. Félix. Oui, monsieur. Trouvez ce Guillaumin à Orléans et demandez-le tout de suite au téléphone. Oui, monsieur. Henri, dis-moi, tu n'as rien appris sur l'auteur? Qui il est? Ce qu'il fait? Rien. Personne ne l'a jamais vu. C'est pour ça qu'il a eu le prix. Scipion a trouvé ça tellement épatant, un type qui présente un roman au prix Zola sans se faire recommander, qu'il a dit « Celui-là, c'est un as, ça ne fait aucun doute, je vote pour lui ». Les autres ont commencé par rire, et puis, quand ils ont vu que Maréchal ne pensait pas au premier tour, comme on s'y attendait, peu à peu, ils se sont laissés convaincre, et finalement, il les a eus. Il paraît qu'ils se tordent. Bon, tu vas retourner chez Dréan, ils sont encore à table à ces heures-ci. Oh, ils commencent à peine. Tu demanderas à parler à Bourgine pour quelque chose d'urgent. Bien, monsieur. Bon, tu lui diras qu'il me faut immédiatement un exemplaire du roman de Machin, là. Evnos. Oui. Il doit en avoir un comme membre du jury, s'il n'en a pas, qu'il s'en procure un à tout prix et rapporte-le. Il me le faut tout de suite, tu entends? Compris. Bon. Félix! Oui, monsieur. La camionnette est dans la cour. Oui, mais elle est chargée. Faites-la décharger tout de suite et dites au chauffeur qu'il fasse son plein d'essence pour être prêt à partir. Bien. Hein. Bon, envoyez-moi Amédée. Entendu. Je vous passe Guillaumin, il est en ligne. Bon, d'accord, très bien. Allô? Oui, bien. Allô? La librairie Guillaumin. Bon, est-ce que Monsieur Guillaumin est là? Ah, c'est Monsieur Guillaumin lui-même. Ah, ici Mosca, Julien Mosca, l'éditeur, oui. Oui, bonjour, monsieur. Dites-moi, c'est vous qui avez publié le livre d'Evnos intitulé « L'éveil du cœur », n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et vous savez la nouvelle? Non? Eh bien, il vient de recevoir le prix Zola. Si? Mais oui, j'en suis sûr. Il n'y a pas que vous de stupéfait. Enfin, voilà, il a le prix. Alors, je vous propose, moi, de vous racheter vos droits d'édition. Oui, mais naturellement, nous nous mettrons d'accord avec l'auteur. Le livre a été publié, c'est vrai? Eh bien, vous allez lui transmettre tout de suite ma proposition. Quoi? Ben, où est-il, alors? Oh, bon, c'est encore mieux. Vous avez son adresse? Attendez une seconde, je marque. Allô? Allô, oui, Alain. Au 28 rue du Val-de-Grâce. Bon, je me mettrai d'accord avec lui, c'est entendu. Mais en ce qui vous concerne, vous, ma proposition vous convient-elle? Ça, il me faut une réponse tout de suite, hein? Eh ben, dites un prix! Hein, ne savez pas? Bon, écoutez, je vous offre 20 000, ça va-t-il? c'est 20 000, oui, 2 × 10. Ah non, pas de participation. 20 000 net pour tous vos droits et pour ce qui vous reste d'exemplaires en magasin. Qu'est-ce qui vous reste? Presque tout. 800? Davantage? Quoi, 900? Bien, alors, mais d'abord, est-ce que nous sommes d'accord? Mais oui, c'est entendu, l'auteur, j'en fais mon affaire. Non, est-ce que c'est d'accord dans ces conditions? Bien, vous avez ma parole et j'ai la vôtre. Hein? Une seconde, les empreintes du roman, vous les avez? Quoi, chez l'imprimeur? Il faudrait les faire emballer immédiatement. Ma camionnette va partir avec un de mes employés qui vous apportera un contrat signé et un chèque de 20 000 francs. On chargera tout de suite les empreintes et les 900 exemplaires. Ça va comme ça? Bon! Eh bien, monsieur Guillaumin, enchanté d'avoir fait votre connaissance. Je vous salue bien. Au revoir, monsieur. Vous m'avez demandé, patron? Écoute bien. Tu vas prendre mon auto, hein, et tu te feras conduire 28 rue du Val-de-Grâce. Note l'adresse. Mm. Tu demanderas à monsieur Evnos. Mais écris Evnos! Evnos, oui, monsieur. Tu lui diras que monsieur Mosca, l'éditeur, désire lui parler immédiatement pour une chose extrêmement importante. Et tu me le ramèneras, hein? Tu le ramèneras avec toi, hein? Oui, monsieur. Il faudra t'arranger comme tu voudras, mais me l'amener. Tu entends? Me l'amener à tout prix, hein? Débrouille-toi, hein? Bien, monsieur. Bon, dis à Félix de venir, hein? Oui, monsieur. Monsieur Félix, le patron vous demande. Bon, j'y vais. Félix! Monsieur? Bon, Félix, faites-moi taper ce contrat en 2 exemplaires. J'y vais. La camionnette est prête à partir. Oui, préparez-moi un reçu de 20 000 francs pour Guillaumin. Bien, monsieur. Une seconde. Vous direz à Henri de remettre ce chèque à Guillaumin en échange du reçu et de lui faire signer un des 2 exemplaires du contrat. Il rapportera l'exemplaire signé et lui laissera l'autre, oui? Oui, monsieur. Une seconde, les bandes du prix. Il faudra les faire enlever du bouquin de maréchal et les passer sur l'éveil du cœur dès que la camionnette arrivera, hein, et rapportez-moi le contrat signé dès que ce sera tapé. Ça sera fait, d'accord. Voici l'exemplaire du roman que vous avez demandé. Bon, très bien, passe. Ah, bah, 220 pages. Ah, bah, à la bonne heure, ce ne sont pas trop longs, ça. Félix. Oui, monsieur. Félix, venez ici. Envoyez-moi ça tout de suite chez Dupont en le prévenant par téléphone. Hein. Les empreintes arriveront ce soir. Qu'on se mette au cliché demain à la première en laissant tout le reste de côté. Bien, hein, monsieur. Il y a une journaliste de l'Intransigeant qui voudrait vous voir. Déjà? Faites-la entrer, oui. Et puis, tu te prépareras à partir pour Orléans avec la camionnette. Hein. Pour Orléans? Oui, Félix t'expliquera. Allez, va. C'est le contrat, Félix? Oui, monsieur. Bon. Là, vous relirez pour voir si c'est bien conforme, j'ai pas le temps. Bien, monsieur, bien. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer, mademoiselle, monsieur Mosca vous attend. Oh, excusez-moi de vous déranger, monsieur Mosca. Asseyez-vous, mademoiselle. Voici. Que puis-je faire pour vous? J'ai un papier à faire sur le lauréat du prix Zola pour notre 3e édition. On n'a jamais entendu parler nulle part de cet Evnos. Dans toute ma carrière de journaliste, je n'ai jamais rencontré personne d'aussi inconnu que cet homme-là. On ne peut même pas se procurer un exemplaire du roman. Il est introuvable, les libraires sont hors d'eux. Vraiment? Alors je me suis dit qu'il n'y avait qu'un homme à Paris capable de savoir quelque chose et que c'était vous, monsieur Mosca. Vous vous êtes dit ça? Tiens. Est-ce que je me suis trompée? Vous pouvez dès à présent rassurer vos lecteurs et leur dire que la première édition de L'Éveil du cœur sera mise en vente demain matin chez les principaux libraires de Paris. Ah. Cette première édition est malheureusement un tirage restreint et nous ne pouvons l'écouler au prix habituel. Bien entendu. Mais je vous demande pardon, monsieur Mosca. Dois-je comprendre, d'après ce que vous dites, que c'est vous qui... Et parfaitement, c'est moi qui... Mais on m'avait dit que le livre était édité à Orléans. Ah, il l'était, oui, mais il ne l'est plus. Je viens d'acquérir tous les droits de publication. Parfait. En 2 mots, qu'est-ce que c'est? Quoi? Ce roman, L'Éveil du cœur. Ah, ben c'est un roman. Que... Ah oui, mais... Un roman très condensé. Oui. Ah oui, de 220 pages, pas une de plus. Mais vous pouvez me dire... C'est une œuvre tout à fait remarquable. Vraiment? De tout premier ordre. Oui. D'une observation aiguë, pénétrante. Un style fouillé, alerte, original. Et sur l'auteur, pourriez-vous... Ah, ça rien. Non, ça je ne peux rien vous dire, mais je l'attends, d'une minute à l'autre. Et si vous voulez repasser d'ici, je sais pas, une demi-heure, Je tâcherai d'obtenir de lui qu'il vous donne une interview. Vous feriez ça, monsieur Mosca? Je tâcherai, mademoiselle. Et est-ce que je peux amener un photographe? Amenez-le toujours. Oh, merci, monsieur Mosca. À tout à l'heure. Au revoir, mademoiselle. Entrez. Bon, alors, eh bien, Amélie, il est là? Non. Dans l'ombre. Bon. Il n'était pas chez lui, alors j'ai amené sa femme. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Enfin, fais l'entrée. Bon. Ah, monsieur, oui. Elle ne sait pas, elle ne sait rien pour le prix. Quoi? Elle ne sait rien? Non, j'ai vu qu'elle n'était pas au courant, alors je n'ai rien dit. Tu as bien fait. Par ici, madame, par ici. Pardon. Voulez-vous vous asseoir, madame? Monsieur Mosca? Oui, madame. Oh, merci. Mon mari sera désolé, monsieur. Votre employé m'a dit que vous vouliez le voir d'urgence. Oui. Mais je ne comprends pas qu'il ne soit pas encore rentré à cette heure-ci. Si je puis faire votre commission, c'est au sujet de son livre, peut-être. Précisément, madame. Est-ce que vous l'avez lu? Parcouru seulement. Ah. Et avez-vous l'impression que ça pourrait vous intéresser? Si j'ai... eh bien, oui, madame, j'ai cette impression. C'est pour ça que j'aurais beaucoup voulu... Oh, mais quel bonheur! Oh, je suis si contente. Non, je dois vous dire, monsieur, que c'est moi qui ai poussé mon mari à écrire. Mmh. Oh, j'ai eu du mal à le décider. Mmh. Enfin, j'ai réussi. Il a déjà écrit un livre l'année dernière, avant celui-là. Ah, vraiment? Oui, oh, un petit roman. Mais très joli, vous verrez. Il écrit très bien. Eh bien, voyez comment il est. Je lui ai donné l'idée de le présenter pour le prix Zola, son roman. Il n'a jamais voulu. Pardon? Non, sous prétexte que s'il apprenait ça, nos amis se moqueraient de nous à Orléans. Alors, vous ne savez pas ce que j'ai fait? J'ai écrit à l'éditeur, M. Guillaume, de le présenter. Attends, je vous demande pardon, madame, mais je ne comprends pas très bien. Ce n'est donc pas de ce livre-là que vous me parliez tout d'abord? Non! Non. C'est de celui qu'il devait vous apporter ce matin. Ce matin? Oui. Il ne vous l'a donc pas laissé? Mais madame, je n'ai pas eu jusqu'à présent l'honneur de voir votre mari. Ah, vous ne l'avez pas vu? Mais jamais! Mais comment, mais vous êtes bien monsieur Julien Mosca, avec qui il a fait son service à Châteauroux. Châteauroux? Mais c'est Fournier! Mais oui, monsieur, mais... Mais alors, Evnos? Ah, mais c'est son pseudonyme. Oui, non, à cause de l'administration, vous comprenez? Ah, bon Dieu, mais oui, naturellement, je comprends tout maintenant. Vous permettez une seconde? Mais oui, bien sûr. Félix! Monsieur? Dès que monsieur Fournier sera là, faites-le entrer. Monsieur Fournier? Oui, mais vous n'auriez pas pu deviner, maladroit, que c'était lui, Evnos. Evnos? Lui? Ah, ben ça alors? Ah oui, ça vous pouvez le dire. Alors, vous l'avez vu? Non, c'est-à-dire non. Je n'ai pas pu le recevoir, malheureusement, sans ça... Non, mais alors, vous, monsieur, de quel livre parlez-vous? Mais du premier, madame, du premier, de celui qui vient de remporter le prix Zola. Qu'est-ce que vous dites? Mais oui, madame, le prix Zola, c'est lui. C'est mon cher ami Fournier qui a le prix Zola, et je ne m'en doutais pas. Oh, non, c'est pas possible. Mais si, madame. Mais alors, nous allons être célèbres. Mais vous l'êtes, madame. À l'heure actuelle, on ne parle que de vous dans Paris. Oh, mon Dieu. Mais demain matin, la photographie de votre mari sera dans tous les journaux. Dans tous les journaux? Mais oui, madame, en première page. En première page? Mais demain soir, vous serez invitée à dîner dans 20 maisons célèbres. Oh, monsieur, mais non. Nous ne connaissons personne à Paris. Ah, vous allez voir, si vous ne connaissez personne, vous ne savez pas ce que c'est que la gloire, madame. Oh. Vous allez le savoir. Le voilà, monsieur. Qui? Oh. Lui? Fournier! Ah! Enfin! Dans mes bras! Comment? Dans mes bras, je te dis! Tu me reconnais donc? Il manquerait plus que ça! Ah ben, tu sais que c'est pas commode de te trouver! Comment, mais je me... Oui, je sais, je suis au courant, tout ça n'a pas d'importance. Maintenant, viens par ici. Jacqueline, qu'est-ce que tu fais là? Embrassez-le et dites-lui tout. Allez. Oh mon chéri, c'est fou. Tu as le prix Zola. Quoi? Mais oui, le prix Zola pour l'éveil du cœur. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Non, mais écoute, j'avais écrit à Guillaume de le présenter sans rien te dire, puisque tu ne voulais pas. Hein? Et il a eu le prix. Par 6 voix contre 4, oui. Au troisième tour de scrutin. Oui. Ah ben ça alors? Vous êtes sûr que ça ne peut pas être une erreur? Mais non, voyons! Mais enfin, comment est-ce arrivé? Les juges ont trouvé que ton roman était le meilleur de tous, voilà tout, mais qu'est-ce que ça d'extraordinaire? Tout de même! Mais quoi, tout de même? Je ne peux pas y croire. Mais faut-il qu'on aille te chercher les premières éditions des journaux du soir? Ça va être dans les journaux? Mais ça y est déjà, sois-en sûr! Ah, mais c'est très ennuyeux alors, parce que... Et comment? À cause de mon chef de bureau. Oh. S'il apprend jamais que c'est moi... Non, mais j'espère bien que tu vas lui flanquer ta démission à ton chef de bureau, et sans tarder! Ma démission? Ben, tu ne vas pas aller perdre ton temps dans un ministère quand tu vas déjà toucher les 15 000 francs du prix, voyons. 15 000 francs? À plus les 10 000 francs que je vais te verser tout de suite en avance sur tes droits. Quel droit? Mais tes droits d'auteur, pardi! Ah non, mais là, c'est que... Oui, je sais, Guillaume, ouais, tout est arrangé de ce côté-là. Je lui ai racheté tous ses droits par téléphone. Demain, à la première heure, les éditions suivantes seront sous presse. On tire à 20 000 pour commencer. Oui. À 20 000? Il va donc toucher 25 000 tout de suite, et beaucoup plus si le livre se vend bien. Et je ne parle pas des droits de traduction, ni des droits cinématographiques. La littérature nourrit son âme, maintenant. Oh, tu entends ça, Jacqueline? Oh, oui, non. Et qui est-ce qui avait raison? Alors, je crois que tu peux sans inconvénient lâcher ton administration, hein? D'autant plus que tu n'auras pas trop de temps, hein? Il faut te mettre tout de suite au travail. Je veux pouvoir, d'ici 3 mois, annoncer ton prochain ouvrage. Oh, tu peux l'annoncer tout de suite, si tu veux. Le voilà. Non. Mais c'est pour celui-là, justement, que je voulais te voir. Ah ben alors, c'est parfait! Et dis-moi, est-ce que c'est aussi bien que l'autre? C'est-à-dire que ce n'est pas le même genre. Non, L'éveil du cœur, c'est un roman. Eh ben ça? Ça, ce sont des souvenirs. Des souvenirs sur la guerre. Ah, des souvenirs sur la guerre. Oui. Je crois que ça te plaira. Ah, oui, bien sûr, ça me plaira. Tu commences seulement des souvenirs de guerre. Tu ne trouves pas qu'il y en a déjà eu beaucoup? Oh. Non, tu feras ce que tu voudras, mais moi, je te conseille de garder ça pour plus tard. Pour plus tard? Mais oui, jusqu'à la prochaine guerre, par exemple. Là, ça serait tout à fait différent. Au lieu d'être en retard sur les autres, tu seras en avance. Tu arriveras en bon premier, comprends-tu? Non, ce que tu dois publier maintenant, c'est un second roman. Un second roman? Oui, si tu changes ton genre, tu déçois le public, tu perds ta clientèle, ben c'est connu, tout ça. Ah oui, mais c'est que, malheureusement... Non, mais ne l'écoutez pas, Monsieur Mosca. Il va vous dire qu'il n'a pas de sujet pour un autre roman. Ah oui, ben, c'est ça, n'est-ce pas? Et bien, naturellement que tu n'as pas encore de sujet, parce que tu n'en as pas encore cherché. Tu n'as pas eu le temps, mon chéri. Mais maintenant, tu vas pouvoir y penser. Bah, tu n'as rien dans tes cartons. Oh non. Non, ne cherche bien. Tu dois certainement avoir une nouvelle, une simple nouvelle que tu pourrais étoffer un peu, non? Non. Mais il trouvera, Monsieur Mosca, soyez tranquille. Attendez. J'ai une idée. Tu vas tout simplement écrire une suite à l'éveil du cœur. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Une suite à l'éveil du cœur? Ouais. Ah oui, ça c'est une idée. Qu'est-ce que tu as fait de tes personnages à la fin du roman? Tu les as pas tués, j'espère. Hein? Mais non. Ah, à la bonne heure. Il ne faut jamais tuer ces personnages. On sait pas ce qui peut arriver. Hein? La preuve, tu vois. Hein? Ben alors, c'est parfait. Tu n'as plus besoin de chercher un sujet. Tu en as un, tout trouvé. Voilà. Tout trouvé. Mais écoute donc, au lieu de toujours protester. Enfin, moi je veux bien. Ce vieux fournier gratté, hein? Qui est-ce qui aurait prévu ça dans la chambre du Châteauroux? Ah, le fait est... Qu'est-ce que c'est, Félix? C'est la journaliste de l'Intransigeant qui revient avec un photographe. Qu'elle entre. Elle vient pour une interview. Une interview? Ah, mais c'est que je ne sais pas, moi. Je n'ai rien préparé. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude, je répondrai à ta place. Si vous voulez bien entrer, madame, monsieur. Ah, je te présente une rédactrice de l'Intransigeant, monsieur Evnos, madame Evnos. Madame, monsieur, permettez-moi d'abord de vous féliciter. Alors, vous voulez votre interview? Oui, monsieur Mosca. Mais si vous vouliez bien permettre auparavant qu'on prenne un cliché pour ne pas perdre de temps. Faites. Albert, on pourrait prendre un groupe, monsieur et madame Evnos, avec monsieur Mosca. Très bien. Vous permettez, madame? Monsieur Evnos au milieu, madame à sa droite, monsieur Mosca à sa gauche. Ça va comme ça, Albert? C'est très bien. Une seconde sans bouger, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est fini? C'est fini, monsieur. On pourrait peut-être... Quoi donc, monsieur? Je pensais qu'on pourrait peut-être me prendre seul. Et parfaitement. Monsieur Evnos seul, vite, Albert. le cabinet de travail de Marc. Marc est assis à son bureau, la plume à la main, les yeux fixés dans le vide. Oh. Ah, c'est toi? Oh oui, c'est moi. Ouf. Tu es fatiguée? Oh, abrutie plutôt. Il y avait un monde, mais un monde. Il faisait une chaleur. J'ai cru mourir. T'es-tu amusée au moins? Oh non, non, pas beaucoup. Mais pourquoi y vas-tu alors? Il faut bien qu'un de nous y aille. Et comme tu n'y mets jamais les pieds... Maréchal n'était pas là? Oh, il n'a fait qu'entrer et sortir. Il avait encore deux autres thés. Il aime ça, lui. Il est à son affaire dans ces petites réunions-là. As-tu bien travaillé? Mais non, je n'ai pas bien travaillé. Allez, montre ce que tu as fait. Où est-ce? Dans le panier. Oh non, encore? Encore, oui. Mais pourquoi? Parce que c'était très mauvais. Oh, mais c'est grave, tu sais, Marc. C'est... Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je travaille 10 heures par jour, je ne peux pas faire plus. Mais enfin, où en es-tu? Mais toujours au même point. Oh. Je n'en sors pas, qu'est-ce que tu veux? Enfin, est-ce ma faute? Mais non, mon chéri, mais non, bien sûr, seulement... La vérité, c'est que je n'aurais jamais dû vous céder à Mosca et à toi. Oh. Je savais que je n'arriverais pas à écrire cette seconde partie, je le savais. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, il faudrait bien que tu me le dises. Je t'assure qu'il y a des moments où je donnerais n'importe quoi pour... Pourquoi? Eh bien, pour être encore au ministère, là, tout simplement. Ah, bon, le téléphone à présent. Réponds, veux-tu? Allô? Oui, c'est ici. Ah, bien. C'est Mosca. Ah non, non, non, je ne veux pas lui parler. Allô? Oui. Bonjour, comment ça va? Ah oui, il y a un siècle. Comment? Oui, oui, oui, oui, il est là, il est là. Seulement, il travaille. Oh, beaucoup, beaucoup en ce moment, il n'arrête pas. Pardon? Oui, oui, il est content, très content, oui. Comment? Ah, c'est que... Il demande s'il peut venir. Ah non, non, à aucun prix surtout. Allô, oui, non, c'est que... Oui, mais il va être obligé de sortir. Oh, ben... Non, mais bientôt, bientôt, dans 5 minutes. Ah bon? Bon? Bon, bon, ben je vais le lui dire. Comment? Oui, c'est ça. Il vient? Il est à côté, à son cercle. Il veut absolument te voir. Oh, il manquait plus que ça. Ah, oh, bah c'était à prévoir. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Mets-toi à sa place. C'est tout naturel qu'il se préoccupe de ton travail. Si je lui disais la vérité... Mais comment la vérité? Eh ben oui, que je n'en sors pas. Oh, mais tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Ce qu'il faut avant tout, c'est gagner du temps. Mais pourquoi faire, puisque... Mais tu ne vas pas jeter le manche après la cognée parce que tu as du mal à finir cette deuxième partie. Enfin, je te pose une question. Je t'ai lu ce que j'avais fait, n'est-ce pas? Mes 3 premiers chapitres. Eh bien, dis la vérité. Est-ce bon ou bien est-ce mauvais? Mais non, mais non, mais non, ce n'est pas mauvais. Enfin, est-ce que selon toi, ça vaut l'éveil du cœur? Oh, l'éveil était très réussi dans son genre. Ça... Enfin, c'est-à-dire que ça, c'est un autre genre, voilà tout. Oui. En tout cas, tu n'avais pas l'air bien enthousiaste quand je t'ai lu ces 3 premiers chapitres. Moi? Mais si! Oh, tu m'as dit qu'il y avait des longueurs. Oh, mais... Et puis ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Nous aurons le temps de le faire une autre fois. Et si je m'en allais et que tu lui parles, toi? Ah non! Mais de quoi serait-il l'air? Il sait que tu es à la maison. Il a demandé que tu l'attendes. Il faut que tu sois là. Oh, quel supplice, mon Dieu. Allons, allons, allons. Voyons, ne t'énerve pas. Ça y est! Le voilà. Ah, ce que je donnerais pour être ailleurs. Oui, ben tu vas tâcher de rester calme et de garder ton sang-froid. Oui. Tu devrais t'asseoir à ton bureau et avoir l'air de travailler. Tu crois? Mais oui, mais oui. Allez, allez, allez, mais fais une autre figure que ça, voyons. Mais quelle figure veux-tu que je fasse? Mais l'air absorbé dans ton travail. C'est Monsieur Mosca. Eh bien, qu'il entre, qu'il entre. Donnez-vous la peine d'entrer, monsieur. Pardon. Bonsoir, ma petite Jacqueline, comment ça va? Mais bien, bien, merci. Bonsoir, grand romancier. Bonsoir. Alors, il paraît que tu as mis un grand coup à ce que m'a dit Jacqueline au téléphone. Oui, oui, je... En ce moment, ça... ça... À la bonne heure. Et es-tu content? Oui, oui, je suis... Je suis assez content. Oh, il est même très content, Mosca. Bien, bien. Il ne vous le dit pas à vous parce qu'il est modeste, mais je sais, moi, qu'il est très content. Enfin, nous pourrons paraître d'ici à 2 mois. D'ici 2 mois? Ah, oui, ça, il le faut absolument. Je viens d'envoyer un écho aux nouvelles du Parnasse pour annoncer que ton prochain bouquin paraîtra le 1er mai. Le 1er mai? Oui, alors il faut que je puisse compter ferme sur le manuscrit d'ici à 3 semaines. D'ici 3 semaines C'est peut-être un peu court. Alors, c'est que le 1er juin, j'ai un roman de maréchal. Et je voudrais bien que... Vous voyez que vous étiez brouillé. Non, ne le sommes plus. Je lui ai signé un contrat pas plus tard qu'avant-hier. Après ce qu'il t'a fait? Bon, il m'a joué un tour de salaud, je lui ai répondu par un tour de cochon, nous sommes quittes. Et puis enfin, mon vieux, hein. Il a un avantage, maréchal. C'est que... Quand il vous promet un roman, il vous le donne. Il ne vous fait pas attendre 18 mois, comme quelqu'un que je connais. Il y a roman et roman. Ouais, je t'entends. Ouais. Alors, vieux frère, résumons-nous. Je te donne un mois plein, si tu veux. Je reculerai un peu le bouquin de ton ami maréchal, voilà tout, mais dans un mois, jour pour jour, il me faut ton manuscrit. Je ne peux pas m'engager pour une date fixe. Comment tu peux pas t'engager pour une date fixe? Oui, Mosca, ayez un peu de patience. Oh, si vous trouvez que je n'ai pas encore eu assez de patience depuis un an et demi que j'attends ce sacré manuscrit et qu'il ne veut pas me le donner, mais j'ai eu un certain mérite, moi, à garder ma confiance. Hein? Surtout avec les bruits qui courent. Quels sont ces bruits? Quoi, tu veux le savoir? Eh bien, l'autre jour, encore, tiens, je déjeunais avec un de tes confrères, que je nommerai pas. Il me disait, votre Evnos, il y a longtemps qu'il est fini, vidé, cet homme-là. Il n'avait qu'un livre dans le ventre. Oh, qui t'a dit ça? Non, peu importe. Je parie que c'est ce misérable Brégaillon. Que ce soit Brégaillon ou un autre, peu importe. L'essentiel, c'est que je n'ai pas attaché d'importance à ce jugement. Si je te l'ai répété, c'est parce que je suis sûr qu'il est faux. Et... j'ai rudement besoin d'en être sûr, tu sais. Après le traité que nous avons signé, 50 000 balles par an pendant 10 ans, ça fait 500 000 que j'ai risqué sur toi, moi. Tiens, le voilà ton traité. Je te le rends, tu peux le déchirer. Non mais Marc, qu'est-ce que tu deviens fou? Mais qu'est-ce qui te prend? J'en ai assez, là. Mais qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Mais je vais vous le dire, Mosca. Il traverse en ce moment une période de nervosité, de découragement. Mais je le vois bien, ça l'ennuie de vous faire attendre ce roman. Alors, il s'énerve sur les derniers chapitres. Quoi? Tu veux que je te donne un peu plus de temps pour finir? C'est ça? Mais oui, Mosca, voilà. Bon, bah bien qu'il le dise, alors. Je mettrai Maréchal avant, voilà tout. On paraît trop en juillet, tant pis. Non? Quoi, c'est encore trop tôt? Quand, alors? Jamais. Tu dis? Je renonce. Et tu renonces à quoi? À finir ton bouquin? Oui. Marc. Pourquoi? Parce que je ne peux pas. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi tu ne peux pas? Parce que je ne sais pas inventer, là. Tu ne sais pas inventer? Non. Mais ce n'est pas vrai, il exagère tout. Je n'exagère rien du tout. Je n'ai aucune imagination, tu le sais très bien. Quand vous avez voulu tous les deux que j'écrive une suite à l'éveil, j'ai cru que je pourrais, j'ai essayé, eh bien je ne peux pas. Oh, ça alors! Mais puisque tu as bien pu écrire l'éveil... J'ai pu écrire l'éveil parce que là, je n'ai pas eu besoin d'inventer. Comment? Oui, c'est une histoire qui est arrivée. À qui? À toi? Non, pas à moi. Et quoi? Une histoire qu'on t'a racontée? Qu'on m'a racontée, oui. Ah, voilà. Et puis, j'ai eu un document entre les mains. Quel document? Le journal de la jeune fille. Ah? Ça a été tout seul. Et dès maintenant? Et maintenant, il faut que j'invente tout, alors naturellement, ça change. Eh ben, mais dis donc, tu pourrais pas la retrouver, ta jeune fille? La retrouver? Pourquoi faire? Mais elle te raconterait peut-être la suite qui te manque, elle... Mais il n'y a pas eu de suite. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais, voilà tout. Mais enfin, elle n'a pas brusquement disparu de la circulation, cette jeune fille. Enfin, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue ma femme. Ah, voilà. Alors tu es content? Tu es tout de même arrivé à le dire. Pas possible. Oh. Si. Sacré Jacqueline. Oh. Et le monsieur, là, qui était-ce? Oh, ça, mon cher. Tu peux me le dire, voyons. Oui. Au point où nous en sommes. Un médecin. Hein? Comme dans le roman, là? Eh ben oui. Ah bah, tu aurais pu au moins faire un architecte. T'as déjà vu un architecte diriger un hôpital? Ah oui, ça c'est vrai. Ça. Et où l'avez-vous connu, si je suis pas discret? Eh bien, pendant la guerre, comme infirmière. Ah, parfaitement. Et comment ça a-t-il fini? Vous avez lu le roman, non? Oui, non, rien de plus que... Dis donc, mon vieux, je t'en prie, c'est pas drôle. Que quoi? Elle était libre, cette petite. Vous n'étiez pas mariée à ce moment-là. Nous ne nous connaissions même pas. Eh ben là... Mais j'étais une jeune fille, Mosca. Et vous l'avez jamais revue? Jamais. Enfin, as-tu lu le roman, oui ou non? Oui, je l'ai lu. Eh bien, est-ce qu'elle le revoit dans le roman? Non. Bon, alors, en somme, l'histoire finit là. Oui. Eh ben alors... Alors, qu'est-ce que c'est ta deuxième partie? Bah, tiens, enfin, j'imagine tout de même que depuis 18 mois, tu as pondu quelque chose. Mais oui, mais... Alors oui. Eh bien, Henriette, enfin, la jeune fille, s'est mariée. Avec un autre? Oui. Et alors? Alors, eh bien, c'est l'histoire de leur vie conjugale. Bon, et puis? Et puis, rien, c'est tout. Non, enfin, Jacqueline, il ne vous est donc rien arrivé d'autre à vous? Eh bien, comment? Depuis le major, vous n'avez rien eu dans votre vie? Mais j'ai eu Marc. Oui, évidemment, oui, la vie conjugale, j'avais bien compris, mais c'est pas un sujet, ça. Ah ben, c'est tout ce que nous avons à t'offrir. Je suis bon prince, mais il y a des limites à tout. Sais-tu comment ça s'appelle, ce que tu as fait vis-à-vis de moi depuis 18 mois? Vis-à-vis de toi? Vis-à-vis de moi, oui, à qui tu as laissé croire que tu étais un romancier, un vrai, comme les autres. Comme maréchal? Mais comme maréchal, parfaitement. Et à qui tu as soutiré en cette qualité plus de 200 000 francs? Soutiré? Soutiré, oui, c'est le mot. Eh bien, ça s'appelle de l'escroquerie, tout simplement. Retire ce mot, immédiatement. Non. Alors je te prie de prendre cette porte. Non, je ne prendrai pas cette porte. Allons, mais calmez-vous tous les deux. Vous êtes fous de vous mettre dans des états pareils. Vous m'avez insulté, je te prie de sortir. Oh. Et moi, je refuse. Très bien. Alors je n'ai plus qu'à céder la place. Marc, je t'en prie, il ne pense pas ce qu'il dit, tu le sais bien. Plus un mot, Jacqueline. Tu voudras bien m'avertir quand monsieur sera décidé à vider les lieux. Là, vous voyez ce que vous faites. Écoutez, si vous croyez que c'est gai ce qui m'arrive. Mais ce n'est pas une raison pour employer des mots pareils. Mettons que le mot ait dépassé ma pensée. Alors allez le lui dire. Oui, la chose. Oui, mais attendez. Oui. Que je vois un peu clair dans tout ça. Il s'agit de sortir de là. Voyons. Quand ça s'est passé, votre histoire avec le major? C'était à la fin de la guerre. Ouais. Et depuis tout ce temps-là, il n'y a rien eu dans votre existence? Rien. Jolie comme vous l'êtes. Oh, d'abord, je ne suis pas jolie. Mais ensuite, j'aime mon mari. Oh, bah, vous avez une drôle de façon de l'aimer, moi. Laissez-moi vous le dire, vraiment. Comment? Ah, bah, si vous l'aimiez tant que ça, ma chère, vous vous seriez un peu plus préoccupée de sa carrière. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait vous arranger pour lui fournir de quoi travailler. Ah, bah ça, c'est une idée qui ne m'était jamais venue. Ah, bah, c'est le tort que vous avez eu. Nous ne serions pas où nous en sommes si vous aviez pensé à ça plus tôt, comme c'était votre devoir. Oh, mon devoir? Certainement votre devoir. Oh. Qui a fait de Marc un littérateur, hein? Est-ce vous, n'est-ce pas? Mais non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous qui l'avez poussé à écrire. Mais c'est-à-dire que... Ce n'est pas vous qui avez présenté l'évêque du cœur au prix Zola sans même l'en avertir. Mais je ne pouvais pas prévoir qu'on allait le lui donner. En matière de prix littéraire, il faut tout prévoir. Hein? Qu'est-ce qui serait, Marc, aujourd'hui, hein, s'il ne nous avait pas rencontrés? Un bon petit employé au ministère des Finances, heureux et tranquille. Hein? Mais il ne demandait rien, ce garçon. Pourquoi l'avez-vous projeté malgré lui dans la littérature, hein? Je vous le dis, parce que vous êtes une ambitieuse. Oh. Si, c'est une ambitieuse et vous le savez très bien. Bon, c'est pas mal d'être une ambitieuse, au contraire. Mais je vous approuve, moi. Seulement, quand on prend une responsabilité, on en accepte les charges. Vous avez voulu un mari littérateur? Vous l'avez. Votre littérateur ne peut écrire que des romans vécus. Il faut aller lui faire vivre. Voilà tout. Alors, il faut que j'aie des aventures? Il faut qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Mais quoi? Mais je ne sais pas encore. Allons voir. Attendez, voyons. qui m'a donc parlé de vous l'autre jour? De moi? Oui. Quelqu'un qui m'a demandé si vous aimiez votre mari et que ça semblait beaucoup intéressé. Attendez. Ah bon, j'y suis, parbleu! Regardez-moi en face. Maréchal n'est pas amoureux de vous? Non, il veut pas un petit peu la couche. Vous savez bien que Maréchal ne peut pas se trouver 5 minutes avec une femme sans lui dire qu'il l'adore, qu'il ne peut plus vivre sans elle. Il vous a dit qu'il vous adore? Mais oui. Et puis? Eh ben, c'est tout. Il s'est borné à ce genre de déclaration dont je ne fais que rire, naturellement. Il ne s'y bornera plus à l'avenir. Nous allons faire en sorte qu'il ne s'en tienne pas là. Qui, nous? Ben, vous et moi. Mais... Naturellement, il n'est pas question de mettre Marc dans la confidence. Je le connais, Fred Tourant. Mais vous vous figurez que moi, je pourrais? Aimer Maréchal, mais je pense que je vous demande. Non. Il suffit que lui vous aime. Et que vous, vous teniez votre journal, comme au temps du Major. Ce sera le roman d'une femme honnête, voilà tout. Et tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ça n'a pas vraiment un grand succès. Vous n'aurez qu'à vous laisser aimer tranquillement, en écrivant votre journal. Et puis quand nous aurons assez de matière, ben vous direz tout à Marc, et il n'aura plus qu'à écrire son bouquin, voilà. Non, Mosca. Non, je ne peux pas faire ça. Parce que? Mais à cause de Maréchal. Ce ne serait pas bien. Ma chère Jacqueline, ce sentiment vous honore, certes. Mais enfin, il faut choisir. Hein. En ce moment, entre Maréchal et la carrière de votre mari. Je me demande... si vous avez le droit d'hésiter. Je ne saurais pas. Non, je vous jure. Je vous jure que je ne saurais pas. Alors ça, je suis tranquille. Hein? Depuis quoi? Avec un homme comme Maréchal, c'est pas difficile de se laisser faire la cour. Enfin, je suis spécialiste. Non, je vous en prie, Mosca, trouvez autre chose. Mais vous êtes si intelligent. Il n'y a pas de solution, c'est la seule. Et c'est déjà bien joli, croyez-moi, d'avoir trouvé. Mais alors... Un autre, si vous voulez, mais pas Maréchal. Oh, il n'y a plus tellement d'hommes, vous savez, qui aiment les femmes. On n'a pas l'embarras du choix. Non, Mosca, je vous en prie. Ma chère Jacqueline, je suis désolé, mais l'après-midi s'achève et il faut absolument que je sois fixé. Réfléchissez bien. Acceptez-vous ou n'acceptez-vous pas? Et si je n'accepte pas? Dans ces conditions, vous ne pensez pas que je vais continuer à entretenir Marc pour ses beaux yeux, n'est-ce pas? J'y serai de 200 pieds, ça suffit comme ça. Hein? Il aura la ressource de rentrer à son ministère, hein? Si on veut le reprendre. Ah mais non, ça, il n'en est pas question. Ah bah alors comment ferez-vous? Je ne vous dis pas que ce soit une perspective agréable, assurément. Surtout pour vous. Avoir été la femme d'un romancier connu, célèbre, numéro un chez Mosca, et puis redevenir la ménagère d'un petit rédacteur au ministère des Finances, bon, ça s'est braqué, évidemment. Alors, soyez raisonnable. Faites ce que je vous demande. Et puis, vous n'aurez pas à vous en repentir. D'abord, dès que son bouquin sera sorti, le ruban rouge pour Marc. Ah non, mais ça c'est bien fait, entendu. Hein? Ensuite, un prix important. Non, je ne dis pas le grand prix du roman parce que je l'ai promis à Maréchal, mais le prix de la Renaissance, par exemple. Et si nous pouvons lui faire pondre encore 2 ou 3 bouquins, eh bien, dans 10 ans... Ben, qu'est-ce que je dis dans 10 ans, mais... Dans 10 ans, vous ne devinez pas? L'Académie. Parfaitement. Laissez-moi faire, vous verrez. C'est Monsieur Maréchal, madame. Ah, eh bien, faites-le entrer. Bien, madame. Oh, ça, par exemple, mais c'est le ciel qui nous l'envoie. Et vous osez dire que cet homme-là ne vous aime pas? Il vient dire bonjour à Marc. Ça m'étonnerait qu'il ne vienne que pour ça. Alors, ma petite Jacqueline, votre réponse. Vite, vite, avant qu'il entre. Oh, et puis comme au fond, je suis sûre que ça ne réussira pas. Tout ce que je vous demande, c'est d'essayer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, illustre romancier. Tiens, Mosca, comment ça va? Nous parlions de vous, tenez. De moi? Oui, Jacqueline me demandait si on savait le nom de votre dernière victime. Non, mais ce n'est pas vrai. Enfin, elle mourait d'envie de le demander. Oh, ma dernière victime, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la femme qui vous aime en ce moment, si vous préférez. Ah, et non, personne ne m'aime. Longtemps. Mais c'est ainsi. Evnos n'est pas là. Si, si, si. Il est dans sa chambre. Il me boude, figurez-vous. Oh, pourquoi? Oh, une bêtise, une discussion sans importance à propos de son prochain bouquin, je ne tiens pas debout. Allez le chercher, Jacqueline. Dites-lui que je retire ce que j'ai dit, s'il y tient absolument. Hein. Oui, je vais lui dire que vous êtes arrivé. Ah, c'est ça, allez le chercher. Croyez-vous qu'elle est adorable, cet enfant-là? Mmh. Ah, tu n'es pas seulement jolie, hein, mais séduisante, fine. Spirituel. Mmh. Ah, si je n'étais pas l'homme raisonnable que je suis... Mais quel enthousiasme, Mosca. Ah, mais je ne m'en cache pas. Elle est exquise. Seulement, j'ai une règle. Je ne mélange jamais les affaires et l'amour. Ah. Les femmes de mes auteurs, ça fait partie de mon personnel. Pour moi, c'est sacré. Eh, allons tant mieux. Ah, je suis comme ça, moi. Alors, voyons le canton beurre. C'est vrai ce que vous venez de dire? Rien au tableau en ce moment? Oh, de vieilles choses qui m'intéressent plus. Vous n'êtes pas amoureux par non, hasard? Non, non, non, mais j'aurais pu le devenir. Heureusement, moi aussi, je suis un homme raisonnable. Ah, pourquoi? Vous n'avez pas de personnel, vous? Non, non seulement, je n'aime pas beaucoup être ridicule. Ridicule, vous? Ouais, je risquais de l'être. Oh, vous auriez donc rencontré une cruelle? Mais oui. Elle ne vous aime pas? Non. Ah, vous êtes sûr de ça? Ah oui. Oh, tiens, tiens, tiens. Eh bien, voyez-vous, moi, j'aurais parié... Qu'est-ce que vous auriez parié? Aveugle. Triple aveugle. Quoi? Elle vous a parlé de moi? Non, non, non, non, non. Eh bien alors? Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Si vous aviez été là il y a un quart d'heure, vous auriez pu constater, mon cher, qu'on attendait votre visite avec une impatience, je dirais même une fébrilité. Mosca, vous êtes sûr de ce que vous dites? Sûr. Alors, vous disiez que cet article des nouvelles du Parnasse... Comment, Jacqueline? Toute seule? Oui, il veut que vous alliez lui faire les excuses. Bien sûr, voyons, tout ce qu'il voudra. Il est dans sa chambre. Oui, dans sa chambre, je vous précède. Non, non, non, du tout, du tout, du tout, je vous en prie, ne bougez pas, je connais le chemin, je m'y reconnais très bien tout seul. Il vous attend. Mais pourquoi me regardez-vous ainsi? Ça vous ennuie? Ça m'intimide. Dites-moi, est-ce qu'il se rend compte, Evnos, de la chance qu'il a? Quelle chance? Mais de vous avoir. Il me semble. Je voudrais vous croire. J'ai l'impression qu'il laisse se perdre tant de choses de vous. Mais non, je vous assure. Oh, dans ce petit roman dont je ne me rappelle pas le nom, mais qui était charmant, un peu puéril, mais charmant... Quel roman? Eh bien, celui qui a eu le prix Zola. L'éveil du cœur? Oui. Vous apparaissez si trahi, si défiguré. Mais qui vous dit que ce soit moi? Oh, qui serait-ce? Il vous aime, n'est-ce pas? Oui. Et vous l'aimez? Mais oui, je l'aime. Avez-vous remarqué comme il faut peu de choses pour modifier le sens d'une phrase? Mais je... Non, non, non, non, n'ajoutez rien. Nous sommes compris. Et c'est très bien ainsi. Ah, vous êtes décidément quelqu'un de très charmant. Vous êtes trop indulgent. Non, oh non, ne soyez pas modeste. Ne faites pas semblant d'ignorer tout ce qu'il y a en vous de rare, d'unique. Et que j'ai tant cherché. Oh, je sais si bien comment je vous aimerais. S'il m'était permis de vous aimer. J'exigerais, vous entendez, j'exigerais de vous avoir à moi. Rien qu'à moi. Vous seriez près de moi toujours. Et dans les intervalles de répit que nous laisserait l'amour, je travaillerai à vos pieds, dans votre odeur. Mais je... Laissez-moi parler. Ah, Jacqueline, Jacqueline, non, mais... sentez-vous combien je vous désire? Non, taisez-vous. Ne voulez-vous pas m'aimer un peu? Non, non. Non. Alors, dois-je ne plus revenir? Répondez-moi. Est-ce ça que vous voulez? Je n'ai pas dit cela. merci. Voilà, tout est arrangé. Je lui ai demandé pardon, nous nous sommes embrassés. Non, non, nous ne nous sommes pas embrassés. Ah si, moralement. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, maréchal. Et pour sceller la réconciliation, vous ne savez pas ce que nous venons de décider, Jacqueline ? Non. Je vous emmène dîner à Versailles dans un caboulot que je connais, dont vous me direz des nouvelles. Il n'y a pas de réconciliation sans une bonne bouteille, c'est connu, ça, hein ? Est-ce que monsieur maréchal nous ferait l'honneur d'être des nôtres ? Comment ? Moi aussi ? Ah, à moins que vous n'ayez autre chose de plus intéressant à faire. Ah, oh, j'avais autre chose à faire, oui, mais je ne le ferai pas, voilà tout. Seulement, il faut que je passe me décommander. Eh bien, je vous amène. Vous me jetterez au bureau pour que je signe mon courrier, vous irez vous décommander, puis vous repasserez me prendre. Dans 20 minutes, nous sommes là, ça vous va ? Oh, mais très bien. En route, alors ! Vous allez voir ma nouvelle voiture, une splendeur. On est à 120 sans avoir eu le temps de s'en apercevoir, mon cher. Oh, mais que me dites-vous, là ? Eh bien, tu vois qu'en somme, j'ai eu raison de dire la vérité à Mosca. Oui, et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il a exigé que pendant un mois, je n'écrive plus une ligne, que j'essaie de ne penser à rien. Ah. Et tu ne sais pas ce qu'il nous propose ? Non. D'aller nous installer chez lui, à Bidart, dans sa villa, et d'y rester le temps qui sera nécessaire pour me remettre d'aplomb. Il t'a proposé ça ? Oui. Alors, par exemple, il y a une chose ennuyeuse, c'est qu'il veut demander aussi à Maréchal. Ah. Il paraît que lui aussi a besoin d'air de mer. Mm-hmm. Oh, seulement, il ne nous gênerait pas beaucoup. On le mettrait dans un pavillon à part, au bout du jardin. On ne le verrait guère court pas. Qu'est-ce que tu en dis ? Mais je ferai ce que tu voudras. Ça n'a pas l'air de t'emballer. Mais si. Mais qu'est-ce que tu as ? Tu es de mauvaise humeur ? Moi ? Oh, pas du tout. Eh bien, embrasse-moi si tu es contente. En somme, on s'aime bien tous les deux, non ? Mais si, mon chéri. Le salon de la villa de Mosca, à Bidart. Un escalier conduit à l'étage supérieur. Une porte donne sur le vestibule. Au fond, une large baie ouvre sur le jardin. Jacqueline ! Oh, te voilà enfin ! Mademoiselle Olivier est venue ? Mais oui, bien sûr, elle est dans le jardin avec Maréchal. J'espérais qu'elle serait repartie. Je ne veux pas la voir. Mais comment ? Elle vient te prendre une interview ? Elle vient prendre une interview de Maréchal. Mais comme tu es susceptible ! Je ne suis pas susceptible. Mais Maréchal est plus jeune que moi et, en outre, j'estime, j'ai sans doute tort, mais c'est ainsi, que littérairement, il vient après moi. Quoi ? Mais je n'ai rien dit. Il n'a jamais eu le moindre prix. Tandis que moi, j'ai eu le prix Zola, voilà. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu as contre lui ? Moi ? Oh, mais rien. Je le trouve ridicule, voilà tout. Oh, je ne vois pas ce qu'il a de ridicule. Ah bon ? Ah bon ? Je ne savais pas que tu l'admirais à ce point-là. Cet homme qui, tous les jours, à la même heure, s'assied devant sa table de travail et y reste de 8h à midi, de 2h à 5h, quoi qu'il arrive, et pendant tout ce temps-là, n'arrête pas d'écrire, moi je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, voilà ce que tu ne peux pas supporter. Avoue-le. Moi ? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Ah, seulement, il y a une chose dont je me passerai. C'est d'être tenu au courant de son travail 3 fois par jour, à déjeuner, à goûter et à dîner. Mais ça, je ne peux pas m'y faire. Oh oui, oh, évidemment, il est plus facile de ne pas travailler. Comme ça, on est sûr de ne pas ennuyer les autres. C'est pour moi que tu dis ça ? Oui ? Eh bien, tu sauras que si je ne travaille pas ici, c'est précisément à cause de lui. Voilà du nouveau. Parfaitement. Sa présence me porte tellement sur les nerfs que je suis incapable de suivre une idée. C'est bien simple, je n'endors pas la nuit. À l'idée qu'il va falloir le retrouver le lendemain. Oh, le revoilà. Tiens, j'aime mieux m'en aller. Mais ça va être ton tour. Non, mon tour, ce n'est pas après, Maréchal. C'était avant. D'ailleurs, je ne tiens pas à ce qu'on publie d'interview de moi. Ah, c'est intelligent. Tu diras que tu ne m'as pas vu, voilà tout. Mais enfin, comment c'est sérieux, tu t'en vas ? Oui, je vais jusqu'au village chercher les journaux. Marc ! Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire, mademoiselle Olivet, moi ? Voilà. Ça ira, comme ça ? C'est un chef-d'œuvre d'interview, mon cher maître. Vous publierez ça intégralement, n'est-ce pas ? Bien entendu, comme d'habitude. Ah, Jacqueline. Evnos n'est pas encore là ? Je ne l'ai pas vu. Ah, c'est très ennuyeux. Oui, vous feriez mieux de ne pas l'attendre si vous êtes pressé. Il n'aura qu'à m'envoyer son papier par la poste. Ça reviendra au même. C'est ça, je le lui dirai. Vous voudrez bien m'excuser auprès de lui. Bien sûr. Madame, chère mère. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle Olivet. Passez par le jardin, c'est plus court. Jacqueline, où allez-vous? Voir si tout est prêt dans la chambre de Mosca. Oui, eh bien, vous irez tout à l'heure. Pour une fois que nous sommes seuls, profitons-en. Ça ne vous exaspère pas, vous? Quoi? Que nous ne puissions jamais nous voir tranquillement. Qu'y faire? Voulez-vous m'expliquer pourquoi vous refusez obstinément de venir me voir chez moi, dans ce petit pavillon où nous serions si bien? Mais à quoi bon? Comment à quoi bon? Vous n'imaginez pas que j'ai des choses à vous dire, non? Vous ne pensez pas, par exemple, que j'ai une terrible envie de vous prendre dans mes bras et de vous embrasser? Oh, taisez-vous. Non, il ne faut pas. Pourquoi ne faut-il pas? Mais lâchez-moi, je vous en prie. Oh, n'ayez pas peur, je ne vous embrasserai certainement pas ici. J'ai horreur de ces baisers furtifs où ni l'un ni l'autre ne pense à ce qu'il fait, non. Au lieu que nous serions si tranquilles là-bas. Mais d'abord, sous quel prétexte irais-je? Oh, je vous ai expliqué que vous n'aviez qu'à venir avec votre machine à écrire. Oh. Mais oui, je serais supposé vous dicter 2 ou 3 lettres pressantes dont j'ai besoin de garder les doubles, c'est inattaquable. Alors? Non. Très bien. Demain matin, je ne serai plus ici. Eh bien, partez. Puisque vous ne voulez rien comprendre. Je ne comprends qu'une chose, Jacqueline. C'est que vous vous êtes moqué de moi depuis le commencement. Non, mais en quoi? Eh, en me faisant venir ici à votre suite. Mais ce n'est pas moi qui vous ai fait venir ici. Je vous demande pardon. Quand Mosca me l'a proposé, je suis immédiatement allé vous prévenir. Je vous ai dit que je serais forcé de renoncer à une importante tournée de conférences, mais j'étais néanmoins tout prêt à partir avec vous, à condition d'être sûr que ça vous ferait plaisir. Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Que oui, que ça me ferait plaisir. Ah! Mais naturellement, ça me faisait plaisir. Oui, oh, ne jouons pas sur les mots, voulez-vous. Quand une femme dit à un homme que ça lui ferait plaisir, qu'il quitte tout pour la suivre quelque part, il est en droit, il me semble, d'attendre qu'elle lui accorde autre chose que quelques paroles aimables de temps en temps. La vérité, c'est que vous avez agi vis-à-vis de moi avec la plus abominable coquetterie. S'il l'avait tenu qu'à moi, je vous jure que vous ne seriez pas venu ici, malgré tout le plaisir que ça pouvait me faire. Je savais trop ce qui m'attendait. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Ah, pardon, expliquez-vous. De qui ça dépendait-il sinon de vous? Puisqu'il vous suffisait de me répondre non, ne venez pas pour que je reste à Paris. J'aurais bien voulu pouvoir vous répondre ça. Qu'est-ce qui vous en empêchait? Dites, Jacqueline. Non, laissez-moi. Voyons, mon petit, non, répondez-moi. Non. Alors vous aimez mieux que je parte en pensant que vous êtes moqué de moi? Mais je ne me suis pas moqué de vous. Ce n'est pas ma faute ce qui est arrivé. Alors, de qui est-ce la faute? De Mosca. Qu'est-ce que Mosca vient faire là-dedans? C'est lui qui a voulu que je vous dise de venir. Pourquoi? Pour que vous me fassiez la cour. Ça, par exemple, qu'est-ce que ça peut lui faire? Il voulait que j'écrive mon journal. Votre journal? Oui, pour que? Pour que Marc en fasse un roman. Ah, ça alors, c'est plus beau que tout. Un roman sur moi? Sur nous, oui. Admirable. Mais alors, dites-moi donc, j'ai été complètement ridicule, moi, dans tout ça. Vous croyez? Ah, mais décidément, il est plein de ressources, Mosca. C'est de lui tout seul, cette idée? Oui. Oh, vous êtes sûr qu'Evnos ne l'a pas aidé? Oh, pauvre Marc. Il ne se doute de rien, autrement. Alors, je vais me retrouver dans le prochain roman de Marc Evnos. Et dans quel état? Ah, je vois, c'est d'ici, c'est à mourir de rire. Et vous, épouse dévouée, vous n'avez pas hésité à vous prêter à cette ravissante comédie? Mosca m'avait menacé de nous couper les vivres si je n'essayais pas. Et ça a suffi pour vous décider? Oh, j'étais tellement sûre que ça ne réussirait pas. Il me semble que ça a merveilleusement réussi, au contraire. Il doit être des plus intéressants, votre journal. J'espère au moins que vous me le montrerez. Vous n'avez donc pas encore compris que je vous aime? Ah, je voudrais vous croire. Malheureusement, après tout ce que vous venez de m'avouer... Est-ce que je vous l'aurais avoué si je ne vous aimais pas? Oh! Peut-on jamais savoir ce qui se cache dans la tête d'une femme? Si vous ne me croyez pas maintenant, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que je vous croie? Oui. Il faut aller chercher votre machine à écrire et venir avec moi immédiatement. Non. C'est la seule façon de me convaincre. Vous ne sentez donc pas que c'est vrai? Pardonnez-moi, j'en serai encore plus sûr quand vous serez venu. Il le faut. Absolument. Absolument. Alors je vais venir. Mais partez devant. Je vous rejoindrai, c'est plus prudent. Mais vous venez. C'est bien vrai. Oui. Je vous adore, ma petite Jacqueline. Jacqueline, où vas-tu? Prendre ma machine. Oui, Maréchal a deux ou trois lettres importantes à écrire, dont il veut garder la copie. Alors il m'a demandé si je voulais bien les taper sous sa dictée. Il faut que tu lui serves de secrétaire à présent. Ah bon? Non, il est assez naturel que je lui rende ce service. J'ai quelque chose à te dire. Oh, mais il m'attend. Eh bien, il attendra, voilà tout. Oh, mais dépêche-toi alors. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Nous allons rentrer à Paris. Comment? Oui, j'ai l'intention de demander à Mosca de nous emmener avec lui en auto quand il repartira. Et pourquoi cette décision soudaine? Je ne me plais décidément pas ici. Je travaille mal. Tu travailleras mieux à Paris, peut-être. Peut-être. Nous n'en savons rien. À Paris, il n'y aura pas Maréchal. Ah, nous y revoilà. Oui, nous y revoilà. Je ne peux plus supporter cette promiscuité continuelle. C'est au-dessus de mes forces. Je préfère m'en aller. Comme j'ai tout de même le droit, une fois par hasard, de faire ce que j'ai envie de faire, je décide, moi, de rester ici. Ah, tu t'imagines que je vais te laisser seule ici avec Maréchal? Personne ne t'oblige à partir. Écoute, Jacqueline, c'est la première fois depuis notre mariage que nous avons une discussion aussi grave. Ça prouve que j'étais beaucoup trop faible jusqu'à présent. J'ai toujours fait ce que tu as voulu. Je me suis laissé asservir, domestiquer. Asservir? Domestiquer? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Voilà des mots qui ne sont pas de toi. On te les a soufflés. Pas du tout. Si. Oh, mais ça devient sérieux, alors. Bon, eh bien, si tu veux, nous reprendrons cette discussion plus tard. J'ai promis à Maréchal d'aller lui taper ses lettres. Reste ici. Comment? Je te défends de bouger d'ici. Mais laisse-moi au moins aller m'excuser. Non. Oh, et puis je suis bien bonne de te demander la permission. J'irai si ça me plaît. Tu n'iras pas. Mais lâche-moi, voyons-moi. Non. Mais tu fais mal. C'est pas vrai. Jamais je ne te pardonnerai, Marc. Jamais, t'entends? Si tu savais comme je te hais en ce moment. Je le vois. Bonjour, mes enfants. Oh. Comment ça va? Mais bonjour, Oscar. Bonjour, ma petite Jacqueline. Bonjour, grand homme. Je vous amène un gaillard qui ne supporte pas les voyages en auto. Bourgine n'est plus un homme, c'est une lâche. Ah non. Oh, c'est trop vite. C'est trop vite. Voilà. Il n'a dit que ça depuis le départ de Paris. Bon, où est Maréchal? Il travaille? Oui, oui, je pense. Ah, à la bonne heure. Aussi, il va être récompensé. Il va tout de même l'avoir, son prix. Bien beau. Le grand prix du roman, tout simplement. N'est-ce pas, Bourgine? Comment? Non, non, rien. Dormez, mon vieux, dormez. Bon, et toi, Marc? Tu as bien suivi mes prescriptions? Pas de travail, pas de préoccupations, te promener, manger et dormir? Oui, oui, merci. Vous ne voulez pas prendre quelque chose? Oh, je suis incapable d'avaler quoi que ce soit. Ce que je vous demanderai, c'est d'aller m'étendre un peu. C'est ça. Allez vous reposer un moment et puis je vous emmènerai faire un tour pour vous montrer un peu le pays. Encore? Non, non, à pied, rassurez-vous. Oui, ah, bon. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Dis-moi, quand pars-tu? Quand je repars? Oui. Attends un peu, j'arrive, laisse-moi le temps de souffler. Mais pourquoi me demandes-tu ça? Parce que nous repartirons avec toi, si tu le veux bien. Qui? Eh bien, Jacqueline et moi. Mais pourquoi? Mosca, tu es mon ami, n'est-ce pas? Mais naturellement, alors? Il faut que j'emmène Jacqueline d'ici le plus tôt possible. Hein? Parce que? Il faut l'éloigner de Maréchal, c'est urgent. Oh, là, j'en étais sûr. Il faut que tu viennes tout compliquer. Est-ce que tu peux être embêtant, là? Qu'est-ce que ça signifie? Mais elle se laisse faire la cour par Maréchal, n'est-ce pas? Eh ben, naturellement, c'est moi qui lui ai demandé. Toi? Mais oui, pour que tu puisses écrire un roman, puisque c'est le seul moyen. Tu te serais permis de faire une chose pareille? Non, c'est pas possible, tu n'aurais pas osé. Oh, sérieux, il va m'engueuler maintenant. Et Jacqueline se serait prêtée à cette comédie? Mais naturellement, pour toi, toujours pour toi. Si c'était vrai, elle me l'aurait dit. Tiens, demande-lui, puisqu'elle est là. C'est vrai, Jacqueline? Que tu t'es laissé faire la cour par cet individu pour obéir à Mosca? Eh bien, réponds-moi. Je n'ai rien à répondre. Tu vois, Mosca. Mais tu l'agaces, cette petite, avec tes soupçons. Mais je vous comprends, moi, ma petite Jacqueline. Ne lui répondez pas. Montre-lui tout simplement votre journal pour qu'il ne nous ennuie plus. Non. Pourquoi? Parce que ce journal n'existe pas. En tout cas, je suis fixé maintenant. Mais pourquoi n'avez-vous rien écrit? Pourquoi? Tu n'as pas encore compris? Mais parce qu'elle l'aime, parbleu. C'est clair comme le jour. Elle s'est moquée de toi, voilà tout, n'est-ce pas? Avoue que tu l'aimes, ce grotesque. Avoue-le donc, voyons. Eh bien oui, je l'aime, ce grotesque, comme tu dis. Je l'aime parce qu'il est beau, parce qu'il est fort. Je l'aime comme je ne t'ai jamais aimé, toi, et comme je ne t'aimerai jamais, voilà. Ça te suffit, j'espère? Alors maintenant, on va peut-être me laisser tranquille. Eh bien. Voilà. Oh, je suis navré. Pas prévu ça. Ah, laisse. Bah, j'étais convaincu qu'elle t'aimait, moi. Moi aussi. Ah, je suis désolé, tu sais, mais désolé. Ben oui, ben oui. Bon, au fond, tout ça n'est pas très grave. Ah, tu trouves? Mais c'est pas de l'amour qu'elle a pour lui. C'est un goût physique assez violent, voilà tout. Oh, tu n'as pas vu sa figure pendant qu'elle criait son amour? Je la reconnaissais pas. C'était une autre femme. Une femme que je n'avais jamais vue. On vit pendant 8 ans devant un visage et puis, tout à coup, on s'aperçoit que c'était un masque. Que le vrai visage, on vient seulement de l'apercevoir. C'est horrible. Dis donc, sais-tu ce que tu devrais faire, toi, en ce moment? Moi? Tu devrais prendre un crayon et noter tout ça. Pourquoi faire? Mais pour ton bouquin, parbleu, mais c'est une occasion unique. Tu te figures que je pense au bouquin en ce moment? Ah, oh, mon vieux, un littérateur, c'est comme un opérateur de cinéma. Ça doit être prêt à tout enregistrer, même les catastrophes. Surtout les catastrophes. Mais je me fous de la littérature. Ah, bon Dieu, elle me coûte trop cher. Ah, bon Dieu, donc, tu en as de bonnes, moi. Qu'est-ce qu'elle te coûte, à toi? Elle me coûte ma femme? Oui. Simplement? Oui. Oh, je sais bien que pour toi, une femme, c'est pas grand-chose. Ce ma voilà, pour moi, c'est un peu plus. C'était toute ma vie. Alors, n'est-ce pas, les livres à présent? Oui, mais enfin, c'est tout de même pas une raison pour y renoncer aux livres, n'est-ce pas? Ah si, par exemple, là, c'est fini, ça est bien fini, je te le jure. Mais tu es fou, juste au moment où tu as un sujet. Mais tu ne comprends pas que sans elle, rien n'existe pour moi. Oh, alors là, décidément, je me serais bien trompé sur ton compte. Enfin, je t'en veux plus pour un homme sérieux, un homme raisonnable. Bon, enfin. Eh bien, alors, dans ces conditions-là, c'est pas la peine de rester ici. Emmène-la. C'est ce que tu as de mieux à faire. Si elle veut. Ben oui, elle voudra. Après la façon dont elle m'a parlé tout à l'heure, je m'attends à tout. Chut. La voilà. Pourquoi as-tu mis ton chapeau? Et ce sac? Tu veux partir? Oui. Tu vois ce que je te disais? Vous avez raison, ma petite Jacqueline, c'est la seule chose à faire. Vous avez un train? Oui, dans une demi-heure, je crois. Parfait. Je vais tout de suite donner des ordres à mon chauffeur pour qu'il se prépare à vous conduire à la gare. Merci. Non, mais du tout, voyons, c'est tout naturel. Voilà, j'ai décidé d'aller passer quelques jours à Orléans, chez mes parents. Comment tu veux? Laisse-moi finir. Il faut absolument que je sois seule pendant quelques temps. Tout cela a été si rapide, si brutal. J'ai besoin de voir clair en moi. Mais je ne veux pas. Oh, je t'en prie, Marc. Je suis horriblement fatiguée. Dans quelques jours, quand j'aurais été à même de prendre une décision, je t'écrirai. Mais pourquoi? Quelle décision pourrais-tu prendre? Mais je ne sais pas. Alors tu veux me quitter? Me quitter tout non, à fait? Non, je n'ai pas dit ça. Jacqueline, c'est vrai? Tu l'aimes à ce point-là? Oh, je n'en sais rien. C'est pour ça que je veux rester seule, pour savoir. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, alors? Oh, mon pauvre Marc. Je suis désespérée de te faire cette peine. Mais en fait, qu'est-ce que tu lui trouves à cet homme? Ne recommençons pas. Enfin, j'ai tout de même le droit de savoir. Tu m'as crié que tu l'aimais, et puis maintenant tu veux t'en aller sans rien dire, sans rien expliquer. Mais comment veux-tu que je t'explique, quand je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive? Mais où est-ce que j'irai, moi, si tu t'en vas? Mais pourquoi ne demandes-tu pas à Mosca de t'emmener faire un petit voyage en auto, par exemple? Et puis ensuite, tu rentrerais à Paris. Je vais en tout cas partir avec toi, quand ça ne serait que pour les autres ici. Ensuite, je verrai ce que j'aurai à faire. Marc! Quoi? Marc, il faut que tu me permettes avant de partir de lui dire adieu. Ah, ça jamais! Mais si, Marc, tu n'as pas le droit de me refuser ça. Je le verrai ici 2 minutes. Ah non, non, non, c'est tout de suite mes forces. 2 minutes, Marc. Je te le demande. Songe que c'est peut-être la dernière fois. Comme tu l'aimes, hein? Mais pourquoi faut-il à tout prix que tu lui dises adieu? Enfin, réfléchis, c'est tout naturel. Tu as été sa maîtresse? Jamais il ne m'a touchée. Tu le jures? Oui. Comment savoir maintenant quand tu dis la vérité ou quand tu mens? Ah, et puis fais donc ce que tu voudras, ça m'est égal! Mon chauffeur vous attend, ma petite Jacqueline. J'ai prévenu Maréchal. Allez lui demander de venir un instant jusqu'ici, voulez-vous? Ah bon? Vous n'êtes pas sûr que ça va faire de drame avec Marc? Ouf, Marc le sait. Ah bon? Alors c'est parfait, d'ailleurs, le voici. Je vous laisse avec lui. Est-ce que Mosca vous a dit? Je sais seulement qu'il y a un drame et que vous partez. Oui, dans quelques instants. Alors voilà, j'ai voulu vous dire adieu. Adieu? Jusqu'à quand? Adieu. Mais vous plaisantez. Où allez-vous? À Paris? Non, je vais chez mes parents à Orléans. Chez vos parents, alors? Alors seul? J'y serai seule, oui. Mais... Bon, quelle est votre adresse? Pourquoi? J'y serai demain dans l'après-midi. Je ne peux pas partir ce soir parce que j'ai un article pour la mairie qu'il faut absolument que je termine. Et je prendrai le rapide demain matin. À quoi bon? Vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas? Comment, je ne vous aime pas? Mais non. Vous me désirez seulement. Donnez-moi l'adresse de vos parents, Jacqueline, vite, je vous en prie. Tenez, je l'ai inscrite sur ce papier. Merci. Parfait. Je vous enverrai un mot par le chasseur de l'hôtel dès que je serai arrivé. Mais je ne veux pas que vous veniez. Vous ne savez pas quel est le meilleur hôtel à Orléans? Je crois... Chut. Voici Marc. Partez, partez vite, je ne veux pas qu'il vous trouve. C'est l'hôtel des Trois Dauphins. Merci. À demain. Marc, il faut partir maintenant, sinon nous manquerons le train. Tu as terminé tes adieux? Oui. Oh, fais une autre tête, je t'en prie. Voici Mosca et Bourgine. Mes enfants, la voiture vous attend. Ah, merci, merci. Eh bien, au revoir, Mosca. Au revoir, ma petite Jacqueline. Bon voyage. Au revoir, Bourgine. Au revoir. Marc, je t'attends dans la voiture. Oui. Tout ça va s'arranger, mon vieux. Oui. Au revoir, Bourgine. Au revoir. Marc, je vous mets en voiture. Hein. Ah, s'il y a des lettres pour moi. Oui, oui, oui, on te les fait suivre à Paris. Non, à Orléans, poste restante. Comment, vous n'allez donc pas à Paris? Non. Mais pourquoi? Elle veut aller se recueillir seule chez ses parents. Mais toi alors? Moi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais l'attendre, voilà tout. Ah, bonjour, Bourgine. Ils sont partis? Ils partent. C'est dur, n'est-ce pas? Quoi donc? Eh bien, la séparation? Oh, vous savez, elle n'est pas définitive. Ah? Non, nous avons rendez-vous demain à Orléans. Ah. Dites, Marshall, qui a rendez-vous à Orléans? Vous, je ne vous parle pas, vous vous êtes conduit vis-à-vis de moi d'une façon ignoble. Oui, bon, nous parlerons de ça plus tard. Pour l'instant, je tiens à vous prévenir en ami que si vous allez à Orléans, vous tomberez sur Evnos. Hein. Et après, vous ne vous figurez pas qu'il me fait peur? Alors, c'est le scandale que vous cherchez? Je n'ai besoin de personne pour m'indiquer mon devoir vis-à-vis d'une femme dans un cas pareil. Mais il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de vous. De moi? Ouais. Vous ne pouvez pas vous permettre un scandale en ce moment. Pourquoi? Eh bien, mon cher maréchal, quoique vous me traitiez durement, j'ai travaillé pour vous, moi, à Paris. L'Académie française se dispose à vous décerner le Grand Prix du roman. Non, c'est vrai. Demandez à Bourgine. Vous avez 9 chances sur 10. Actuellement. Car si l'Académie, qui ne plaisante pas avec certains principes, apprenait 8 jours avant le vote que vous avez soulevé à grand renfort de scandale la forme d'un de vos confrères, elle modifierait sa façon de voir, hein? N'est-ce vrai, Bourgine? Ah oui, et l'Académie n'aime pas ça. Il dépend donc de vous, mon cher maréchal, de recueillir aujourd'hui et de faire recueillir à votre éditeur le fruit de votre travail, ou bien de compromettre tout ça par un coup de tête que vous regretterez deux jours plus tard. D'abord, est-ce sûr que je l'aurai, Spring? Je vous ai dit que vous aviez 9 chances sur 10. Non, parce qu'on m'a déjà fait le coup une fois avec le prix Zola. Qu'est-ce que c'est que le prix Zola à côté du Grand Prix du roman? Allons, un bon mouvement, maréchal. Ah, oh, c'est dur, vous savez. Elle est charmante, cette petite. Songez à votre carrière, maréchal. Vaut-elle ou ne vaut-elle pas ce sacrifice? Tout est là. Bah, naturellement, elle le vaut. Alors? C'est bien. Je n'irai pas. À la bonne heure. Votre main, maréchal. Enfin, voilà tout de même un littérateur. Un vrai. Cabinet de travail de Marc. Entre Jacqueline. Tiens, ton café. Ah, merci. Tu sors cet après-midi? Non, je ne sors pas. Bourgine m'a dit qu'il passerait peut-être me voir. Je me demande pourquoi Bourgine est continuellement fourrée ici, à présent. Qu'est-ce qu'il vient faire? Mais me voir, voilà tout. De quoi parlez-vous? De toutes sortes de choses. Il me raconte ce qui se passe, les potins. C'est le seul qui ne nous ait pas abandonnés depuis que tu as quitté la littérature. Et puis, ses visites me distraient. Et je n'ai pas tant de distractions. Tu t'ennuies, n'est-ce pas? Je ne m'amuse pas énormément. C'est sûr. Vous ne parlez jamais de l'autre avec Bourgine? Réponds-moi. Si je te dis que je n'y pense plus jamais, est-ce que tu me croiras? Non. Alors, à quoi bon remettre à chaque instant la conversation là-dessus? Si tu te figures que c'est un bon moyen pour m'empêcher d'y penser. Et puis vraiment, est-ce que nous n'avons pas tout dit sur ce sujet? On n'a jamais tout dit. Enfin, rassure-toi, je ne te tourmenterai plus jusqu'à ce soir. C'est l'heure pour moi d'aller au ministère. Bon débarras, n'est-ce pas? Dis-moi. Quoi? Tu ne veux pas me laisser un peu d'argent? De l'argent? Où veux-tu que je le prenne? Mais le tapissier est encore venu ce matin. Il n'y a pas moyen de lui donner un petit à-compte. Oh, avec quoi? Tu ne peux pas demander une avance sur tes appointements au ministère. Oh, il y a longtemps que c'est fait. Et si tu allais trouver Mosca? Ah non, pas Mosca. C'est tellement humiliant de s'adresser à lui après... Après ce qui s'est passé, quand je pense que c'est lui qui est responsable de tout... Mais enfin, il faut bien trouver cet argent. Mais il peut tout de même attendre un peu, ce tapissier. Mais il n'y a pas que lui. Je n'ai pas payé Noémie depuis 2 mois. Oh. Quant au téléphone, ils ont prévenu ce matin de la poste qu'ils allaient le couper. Il est vrai que pour ce qu'il sert à présent, le téléphone... Enfin, je tâcherai de m'arranger. Jacqueline, je ne voudrais pas que tu t'imagines que je ne me rends pas compte de ce qu'il te faut de courage pour supporter cette vie. Après celle que nous avons menée pendant 2 ans. Oh, mais c'est tout naturel. Oh, non, c'est pas naturel. Tu es très courageuse, Jacqueline, et... Enfin, voilà, je voulais te dire que je t'admire beaucoup. C'est tout. À ce soir. À ce soir. Noémie! Madame? Noémie, quand le tapissier viendra, vous lui direz qu'il n'y a personne, que tout le monde est sorti. Et que je passerai chez lui sans faute avant la fin de la semaine. Bien, madame. Oh, allez voir qui c'est. Oui, madame. Oh, elle n'a même pas bu son café. C'est monsieur Maréchal, madame. Monsieur Maréchal? Oui, madame. J'ai dit que je ne savais pas si madame était là. Ah oui. Oui, dites que je suis souffrante. Bien, madame. Noémie, madame. Non, attendez. Faites entrer, monsieur Maréchal. Bien, madame. Par ici, monsieur. Pardonnez-moi de forcer votre retraite. Vous n'auriez pas dû, il ne fallait pas. Si, Jacqueline, il le fallait. Songez que vous auriez très bien pu rencontrer Marc. Non. Non, je ne pouvais pas. Parce que j'ai attendu pour monter qu'il fût parti. Il y a 20 minutes que je guette son départ. Mais ce n'est pas seulement à cause de lui qu'il ne fallait pas venir. Ah, je ne pensais pas que cela vous serait si pénible de me revoir. Vous pensiez que ça me serait indifférent? J'avais à vous parler. Vous savez bien que nous n'avons plus rien à nous dire. Je vous ai écrit, je vous ai expliqué. Écoutez-moi. Mais à quoi bon, puisque tout est impossible? Jacqueline. Oh, mais comment? J'étais assez folle pour vous recevoir. Jacqueline, laissez-moi seulement vous dire... Non, mais non, ne dites rien, allez-vous-en. Pas avant de vous avoir parlé. Mais je sais d'avance ce que vous êtes venu me dire. Non. Mais si. Non. Vous êtes venu me faire des reproches à cause de ce télégramme que j'ai dû vous envoyer en arrivant à Orléans. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Il m'avait menacé de se tuer si je le quittais, ne fût-ce qu'une heure. Mon Dieu, j'ai décidé d'oublier tout ça. Oh oui, à condition que je m'engage à vous voir, sans doute. Non. Non, je suis venu vous apporter ceci. Qu'est-ce que c'est? Le manuscrit d'une nouvelle que je viens de terminer. Une nouvelle? Qui vous intéressera, tout particulièrement. Et pourquoi? Vous ne devinez pas? Non. Enfin, c'est un peu notre histoire. Vous en avez fait une nouvelle? Ah mon Dieu, c'est-à-dire que je m'en suis inspiré. Alors c'est pour ça que vous êtes venu? Oui. J'ai tenu à ce que vous fussiez la première à connaître une œuvre toute imprégnée de votre souvenir. Oh, je vous demande pardon. Oh, vous avez dû me trouver bien ridicule. Mais pourquoi? Oh, mon Dieu, ces reproches que je vous adressais en imaginant un tout autre but à votre visite. C'était du dernier grotesque. Comment pouvez-vous dire? Non, c'était injuste, voilà tout. Oh, oui, excusez-moi. Oui. Je crois, Jacqueline, que vous aimerez cette petite histoire. C'est quelque chose d'assez nerveux, d'assez ramassé, et qui contient certainement les meilleures pages que j'ai écrites. Ça paraîtra chez Mosca, avec deux autres nouvelles que j'ai déjà publiées dans des revues et que je réunirai en un volume sous le titre Vertige. Vertige, au pluriel. J'aime assez ce titre, pas vous? Très joli. J'aurais beaucoup aimé vous dédier cette nouvelle, Jacqueline. Me la dédier? Oh non, non, je vous remercie, ce n'est pas la peine. Et puis il vaut mieux pas. Pourquoi? À cause de Marc. Je ne sais d'ailleurs pas du tout comment il va prendre ça. Quoi donc? Eh bien, cette nouvelle. Oh, soyez tranquille, vous pensez bien que j'ai fait les transpositions nécessaires, ça va de soi. Mais enfin, il s'agit de deux écrivains, non? Non, il s'agit surtout d'un écrivain. Oui, l'autre joue un rôle secondaire, on ne le voit pas, on sait qu'il existe, c'est tout. C'est un être terne, effacé. Mais je ne veux pas vous raconter, non, je préfère vous laisser la surprise. Mm-hmm. Enfin, c'est la même histoire. Oui, à peu près. Et vous ne craignez pas que si Marc lit cette nouvelle, il ne comprenne de qui il s'agit? Non, non, je vous assure qu'il peut très bien ne pas comprendre. Allons donc. Oh, et puis que voulez-vous quand il comprendrait? Tant pis. J'aimerais autant éviter un nouveau drame. Quel drame voulez-vous qu'il y ait? Il est beaucoup plus violent que vous ne l'imaginez. Croyez-vous? Mais j'en suis sûre. Oh, et au surplus comme je pars. Ah, vous partez. Vous ne saviez pas? Non. Hein, les journaux l'ont annoncé. Oui, je pars après-demain faire une tournée de conférences au Canada. Ah bien, bien. Mais ça vaut mieux. Oh non, non, non, non, ne croyez pas que je fuis le moins du monde devant ces petits risques du métier. Non, non, vraiment pas. Dites-moi, ce n'est pas lui, par hasard? Non, non, non, non, non, rassurez-vous, il a ses clés. Ce doit être seulement Bourgine qui devait passer me voir. Ah. Noémie? Noémie? Madame? Oui, Noémie, si c'est Monsieur Bourgine, vous le ferez entrer à côté. Bien, madame. Alors, adieu, Jacqueline. J'emporte de vous une bien charmante, une trop charmante image. Elle sera ma compagne, là-bas, dans ces pays nouveaux que je vais parcourir. Oh, je pense que vous aurez d'autres compagnies que celle-là. Bon, pourquoi dites-vous ça? Non. Non, non, je vous assure. D'abord, j'aurai beaucoup à faire. Et puis, je vous l'ai dit, votre souvenir m'occupe et me suffit. Adieu, Jacqueline. Ah, Si vous pouviez me renvoyer le manuscrit dès demain matin, je vous en serais reconnaissant. Je ne tiens pas à lire cette nouvelle. Comment, vous ne tenez pas à la lire? Non. Ah. Alors, je suis un peu surprise, je dois le dire. Vous aviez témoigné jusqu'ici pour mes œuvres d'un certain intérêt, enfin du moins je le croyais. Je lirai avec un très grand intérêt votre prochaine nouvelle. Pas celle-ci. Très bien, très bien. Je n'insiste pas. Je regrette seulement dans ces conditions de vous avoir dérangé. Vous ne m'avez pas dérangé. Alors, adieu. Adieu. Je pars un peu déçu, et sans bien comprendre, je vous l'avoue. Ça ne fait rien. Oh, et Bourgine qui doit être à côté. Ah, Bourgine, c'était bien vous qui aviez sonné. Voulez-vous venir par ici? Bonjour, ma petite Jacqueline. Bonjour. Comment ça va-t-il aujourd'hui? Eh bien, merci. Voyons un peu cette mine. Un peu pâlote, on dirait. Oh, vous croyez, non. C'est la chaleur, sans doute. Bon, est-ce qu'on trompe un vieil ami comme moi? Mais il n'y a qu'à regarder vos yeux. Qu'est-ce que vous y voyez dans mes yeux? J'y vois quelque chose qui ressemble bien à des larmes. Oh, Dieu, que vous êtes agaçant, mon pauvre Bourgine. C'est à croire que vous le faites exprès. Laissez-vous donc aller, voyons. Pourquoi vous contraindre avec moi? Pleurez donc, si vous en avez envie. Mais je n'ai pas envie de pleurer. Je suis énervée, simplement. Ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi êtes-vous énervée? Oh. Savez-vous qui sort d'ici? Non. Maréchal. Oh, mon pauvre petit, je comprends votre bouleversement. Oh, alors. Oui, oh, j'étais bouleversée. Quand il est entré là, j'ai presque cru que j'allais me trouver mal. Oh. Et pourtant, il n'y avait pas de quoi, je vous le jure. Savez-vous pourquoi il venait? Il voulait vous revoir, je suppose. Pas du tout. Il venait m'apporter le manuscrit d'une nouvelle qu'il vient d'écrire sur ce qui s'est passé entre nous. Qu'est-ce que vous dites? Il en a fait une nouvelle? Oui! Et moi, pauvre idiote, croyant qu'il venait me faire des reproches, me demander de le revoir, je le suppliais de s'en aller, d'avoir pitié de moi, jusqu'au moment où il a sorti le manuscrit de sa poche. Mais dites donc, mais c'est très ennuyeux, ça! Mais pourquoi? Mais parce que je suis en train d'écrire une pièce là-dessus, moi! Quoi? Vous aussi? Mais naturellement! Décidément. Je ne vous en ai pas encore parlé parce que je préférais attendre que le temps ait passé sur tout ça. Je ne voulais pas vous attrister en réveillant des souvenirs trop récents. Notez bien que je ne me suis servi de votre histoire avec Maréchal que comme une sorte de prologue. L'intrigue proprement dite se déroule ensuite. Le principal personnage n'est ni le mari ni l'amant, c'est un confident, un homme d'une cinquantaine d'années, une sorte. Vous ne trouvez pas que vous avez un peu dépassé les limites tous les deux? Les limites? Oh, comment te voilà, Marc? Bonjour, Bourgine. Bonjour, cher ami. Mais pourquoi rentres-tu si tôt? Je ne suis pas allé au ministère. Ah, tu n'es pas allé au ministère? Non, je t'expliquerai. Je vais vous laisser, il se fait tard. Au revoir, Jacqueline. Au revoir. Au revoir, Marc. Au revoir, Bourgine. À bientôt. Je ne suis pas allé au ministère parce que j'ai voulu voir Mosca. Ah. Alors, je suis passé à son bureau. Il n'y était pas, naturellement. Je lui ai laissé un mot disant qu'il fallait que je le voie, que c'était urgent. Et puis, comme il était déjà tard, j'ai téléphoné au ministère que je n'irai pas et je suis rentré à pied. Voilà. Eh bien, tu as eu raison de revenir. Je suis contente que tu sois rentrée plus tôt aujourd'hui. Pourquoi? Mais j'avais envie de te revoir. Oh, non, non, je t'en prie. Ne dis pas ces phrases que tu ne penses pas. C'est tellement inutile. Mais que tu es bête. Tu ne sens pas que c'est vrai. Tu es très charitable. Mais je sais, là, je sais. Mais qu'est-ce que tu sais? Que tu t'ennuies profondément avec moi. Tu me l'as encore dit tout à l'heure. Mais d'abord, je n'ai pas dit ça. Si, et c'est tout naturel. Je me rends bien compte. Je n'ai pas l'éloquence de Monsieur Maréchal, moi, pour te distraire. Oh, mais ne continue pas. Tu vas tout gâcher. Bon, pour ce qui reste à gâcher. Si tu savais comme les événements travaillent pour toi en ce moment, sans que tu t'en doutes. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as appris quelque chose depuis tout à l'heure? Oui. Quoi? Si je te le dis, es-tu capable de m'écouter sans te mettre en colère? Oh, mais oui! Oh, et puis si tu te mets en colère, tant pis pour toi. C'est que tu n'auras rien compris à ce qui se passe en moi. J'ai eu 2 visites depuis que tu es parti. Et Bourgine? Oui. Et puis une autre avant Bourgine. Qui? Maréchal. Quoi? Tu m'as promis de ne pas t'emporter. Il a osé venir chez moi et tu l'as reçu? Oui, oui. Mais ne le regrette pas. Oh, vraiment? Je me sentirais moins près de toi en ce moment si je ne l'avais pas reçu. Et pourquoi? J'ai perdu quelques quelques illusions cet après-midi. Sur lui ? Sur lui. Et puis sur une espèce de gens décidément bien curieux qui s'appellent les hommes de lettres. Explique-toi. Sais-tu bien ce qu'ils ont fait chacun de leur côté avec un ensemble charmant, lui et Bourgine ? Eh bien, il faut croire que cette malheureuse histoire d'il y a 2 mois était un sujet bien passionnant. Car l'un en a fait une nouvelle, et l'autre, une pièce. Maréchal m'a même apporté le manuscrit de sa nouvelle pour que je la lise. Où est-il, ce manuscrit ? Non, j'ai refusé de le lire, il l'a emporté. Mais enfin, tu n'as pas protesté ? Tu ne leur as pas dit que tu trouvais ça dégoûtant, abominable ? Mais je leur ai dit surtout que je ne savais pas comment, toi, tu prendrais la chose. Ah, ben ça, ils vont voir, ils auront de mes nouvelles, je te le garantis. Il faudra que je me décide à lui casser la figure, à ce monsieur Maréchal. Oui, mon chéri, tu as raison. Je comprends très bien que tu sois furieux, seulement... Je ne suis pas furieux, je suis indigné. Oh, calme-toi maintenant. Qu'est-ce que ça nous fait, en somme ? Comment, qu'est-ce que ça nous fait ? Mais je t'assure que ça n'a pas une bien grande importance. Laissons-les donc écrire leurs petites histoires, ça leur fait plaisir. Sais-tu ce qui me fait plaisir à moi ? Eh bien, c'est de penser qu'au moins il y en a un qui n'a rien fabriqué avec cette aventure, qui s'est contenté d'en souffrir, lui. Et je me sens une très grande tendresse pour celui-là. J'aime que tu n'écrives rien, toi, mon chéri. Eh bien, pourquoi fais-tu cette figure ? Dis ! Jacqueline. Quoi ? Je t'ai menti. Comment ? Moi aussi, j'ai écrit quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as écrit ? Oh, ce ne sont seulement que des notes. J'ai écrit ça pour moi. Mais quand ? Mais tu ne travaillais jamais ? Si, au ministère. C'est vrai ? Ça a été plus fort que moi. J'ai résisté tant que j'ai pu, je ne voulais pas. Et puis, un jour, j'ai commencé, et alors, ça a été l'engrenage. C'était comme une espèce de fièvre. Les idées se pressaient dans ma tête. J'avais à peine le temps de les écrire. Mais depuis combien de temps, ça ? 1 mois, environ. Où est-ce ? Dans ma serviette. Tiens. Mais il y a au moins 2 volumes ? Oh, pas tant que ça. Ah, oh, si, je suis sûre que ça fait plus de 2 fois le manuscrit de l'Éveil du cœur. Oh, c'est écrit très large. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est toujours cette même histoire d'il y a 2 mois ? C'est l'histoire d'un homme qui a perdu l'amour de sa femme. Ça commence au moment où il vient d'apprendre qu'elle en aime un autre. Alors, pour l'arracher à cet autre, il l'emmène, ils partent ensemble. Et tu as trouvé le moyen d'écrire la valeur de 2 volumes là-dessus ? Ah, mais ça, ce n'est que le commencement. Après, il y a toute l'histoire de sa douleur à lui, leur soirée douloureuse, ce qu'ils se disent, l'obsession de l'autre qui pèse sur eux, enfin, toute la tragédie d'un amour détruit. Tu n'as pas peur que ce soit un peu long, tout ça, non ? Long ? Oh, ça m'étonnerait. Il y a là-dedans, sur la jalousie, des choses que personne, à ma connaissance, n'avait encore dites. D'ailleurs, comme je n'ai pas l'intention de le publier... Pourquoi ça ? Tu sais bien que j'ai abandonné la littérature. Je ne sais pas si tu as abandonné la littérature, mais je commence à voir que la littérature, elle, ne t'a pas abandonné. Pourquoi dis-tu ça ? Mais enfin, mon pauvre chéri, ce manuscrit en est la preuve, voyons. Quand on peut se regarder souffrir et raconter ensuite ce qu'on a vu, c'est qu'on est né pour la littérature. En somme, il ne te manquait que ça, souffrir un peu. Ah, voilà ! Ben, j'aurais mieux fait de ne rien te dire. Seulement, quand tu as parlé de ta tendresse en train de renaître, j'ai pas pu faire autrement que de te dire la vérité. J'étais bien certain que tu allais me mépriser, ça c'était forcé. Mais non, je ne te méprise pas. Mais tu as fait comme les autres, voilà tout. Au fond, j'aurais dû penser que c'était inévitable et qu'aussitôt que le calme serait revenu ici, tu te débarrasserais tout doucement de ta souffrance en la racontant. Je ne m'en suis pas débarrassé pour ça. Mais je ne te le reproche pas, Marc. C'est tout naturel. Écoute, veux-tu que je brûle tout ça ? Oh, mais ce serait stupide alors ! Si tu dois me mépriser, je préfère tout détruire. Mais ne dis pas de bêtises, veux-tu ? Tu sais aussi bien que moi que tu le publieras. Non, ça me serait très désagréable de le publier. Non, pas tant que ça. Si madame veut bien venir à la cuisine... Mais qu'est-ce qu'il y a, Noémie ? Le tapissier ne veut pas s'en aller, madame. Oh. Et il dit que si on ne le paie pas, il ira chercher l'huissier et il me traite de tous les noms comme si c'était de ma faute. Alors moi, si ça continue mais comme ça... Mais calmez-vous, Noémie, calmez-vous et dites au tapissier que je vais venir. Oh, merci, madame. Crois-tu que tu puisses te permettre d'écrire des livres sans les publier dans la situation où nous sommes ? Si c'est toi qui exiges que je le publie... Mais nous n'avons pas le choix, il me semble. Oh, allons bon. Si c'est Mosca, tu vas tout de suite lui parler du livre et lui demander une avance. C'est monsieur Mosca, madame. Faites entrer. Bien, madame. Alors, tâche de obtenir une avance sérieuse. Nous devons 4000 rien qu'au tapissier. Oui, mais j'aimerais mieux que tu sois là pour ça. Mais non, mais le temps d'expédier le tapissier, je reviens. Bonjour, ma petite Jacqueline. Bonjour. Comment ça va depuis tout ce temps? Mais très bien, merci, Mosca. Et vous, vous avez fait un bon voyage en Amérique? Ah, excellent, mais trop d'alcool. Oh. Bonjour, mon vieux. Mais c'est effrayant ce qu'on voit dans ce pays-là. Hein? Ah oui, vous m'excusez. Comment, vous partez? Non, non, un fournisseur à bord, je reviens tout de suite. Ah bon. Eh ben, j'ai trouvé ton mot, je suis venu aussitôt, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, il fallait pas te déranger, je serais repassé à ton bureau. Ça ne m'a pas dérangé du tout, j'allais à côté. Alors, il paraît que tu rentres au ministère? Oui. Au fond, tu es bien le plus heureux des hommes comme ça, tu n'étais pas fait pour la vie agitée de littérateur. Ah, mais ça dépend. Mais non, je te connais maintenant, tu as eu raison d'y renoncer. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Ah, dis donc... J'espère que tu ne venais pas m'emprunter de l'argent, parce que ça, je te le dis tout de suite, impossible en ce moment. Ah, ce n'est pas d'un prêt qu'il s'agit, c'est seulement d'une avance. Oui, bien sûr, on appelle ça une avance, ça fait mieux, c'est plus gentil. Non, tu ne comprends pas. Il s'agit d'une avance sur un livre. Quel livre? Le livre que je suis en train de terminer. Tiens. Je crois même pouvoir dire que c'est un très beau livre. Ah oui? Eh bien, bravo, mon vieux, bravo. J'ai pensé que tu serais content de savoir ça. Je pense bien. Je suis enchanté pour toi, mon vieux, enchanté. Alors, comme nous sommes momentanément un peu gênés... Ah, mon vieux, non, je t'arrête tout de suite. Inutile d'aller plus loin, je te l'ai dit, rien à faire. Mais à titre d'avance sur mes droits... N'insiste pas, tu me serais désagréable. Mais puisque mon livre est presque fini... Mais je te crois. Seulement, qu'est-ce que tu veux? Je n'ai plus confiance, tu comprends? Je suis comme ça, moi. Je fais confiance aux gens tant qu'ils ne m'ont pas déçu, mais le jour où c'est fini, c'est fini, hein. T'es vu, dans une de ces circonstances où l'on juge un vrai romancier, eh bien, tu n'es pas un vrai romancier. Vraiment? Oh, mon vieux! Quand on n'est pas capable, hein, pour écrire un beau livre, de supporter certains ennuis, eh bien, on ne se met pas littérateur. On peut écrire un beau livre sans ça, crois-le, Mosca. Oui, oh, je vois ce que ça doit être. Hein. Encore un roman, il ne se passe rien. Il se passe le plus poignant drame d'amour. Qui aboutit à la ruine d'un bonheur jusque-là sans nuages. Ouais, naturellement. Je me doutais bien que c'était ça. Alors, si je comprends bien, tu refuses de l'éditer, ce livre. Ça ne m'intéresse pas. Ah bon? J'ai pris mon parti de tout l'argent que tu m'as coûté. J'ai passé ça par profits et pertes. Je préfère en rester là. Très bien, très bien. Ah, Jacqueline. Oui? Il ne veut pas de mon roman. Ça ne l'intéresse pas. C'est vrai? Il n'a plus confiance, paraît-il. Mettez-vous à ma place. Mais vous êtes fou, Mosca! Juste au moment où il allait vous donner ce livre que vous attendez depuis 2 ans? Justement, je l'ai trop attendu. Ah, vous avez tort. Vous le regretterez, celui-là. C'est moi qui vous le dis. Je ne regrette jamais rien. On ne discute pas, Jacqueline, c'est pas la peine. Il y a d'autres éditeurs que lui, à Paris. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas le voir. Allô? Allô, mademoiselle, donnez-moi Littré 3264. Lâche cet appareil immédiatement. Ah, ça, par exemple, c'est un peu fort. Allons, tu ne veux pas appeler Chamillard. Allez, raccroche et cause. Jamais. Oh, ça y est, tu as coupé. Allô? Allô? Bah, allons, mais je te le prends, ton bouquin, là. Trop tard. Ah, ne fais pas ta mauvaise tête. Tu sais très bien que tu vas me le donner. Ah, tu crois? Allô? Offrez-lui une avance. Bon, combien veux-tu d'avance? 10 000. Quoi? Vous êtes folle? Non, écoute-moi. Inutile. Je te signe un chèque de 5 000 tout de suite, ça va? Non! Il ne cédera pas à moins de 10 000. Après tout ce que je lui ai avancé, enfin, combien veux-tu? Rien. Mais si, Marc, dis toujours un chiffre. Je t'assure que j'aime beaucoup mieux aller chez Chamillard. Ah oui, mais ça, tu n'iras pas chez Chamillard, hein? Je serais tout de même un peu fort que j'ai fait tous les frais de ce bouquin, puis que ce soit Chamillard qui le publie. Ah bah, il fallait penser à ça plus tôt. Mais voyons, Marc, qu'est-ce que ça te fait de dire un chiffre? 20 000, alors. Tu dis? Ah non, là tu vas un peu fort, hein? Non, n'en parlons plus. Mais je ne demande que ça. Bon, écoute, j'irai jusqu'à 10 000, hein? Mais c'est mon dernier mot. 20. Je vais faire un dernier effort. 10 maintenant et 10 un mois après que le livre aura paru. Non, 20 tout de suite. Oh, mais tu ne trouves pas que tu abuses un peu de la situation? Eh ben, Jacqueline, il fait des progrès, votre mari. Enfin, tu es le plus fort, hein? Bon. Pour aujourd'hui, je cède à charge de revanche. Attends, ce n'est pas tout. Comment c'est pas tout? Tu ne publieras pas la nouvelle de Maréchal. Quelle nouvelle? Celle qu'il vient d'écrire. Ah, celle où... Oui. Mais comment veux-tu, il a un traité? Moi, ça m'est égal. D'ailleurs, c'est bien simple. Si Maréchal essaie de publier sa nouvelle, je lui casse la figure. Ah, ça, tu peux toujours le lui dire. ça, peut-être que ça suffira. Alors, on passe demain matin à mon bureau. Nous dicterons un papier en double à Madactylo. Viens vers 10h30, je serai là. Ah non, c'est trop tôt. À cette heure-là, je suis au ministère. Oh, mais tu nous embêtes avec ton ministère. Du moment que tu t'es remis à écrire, tu vas me faire le plaisir. Ah, pardon, je ne lâche plus le ministère. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où je puisse travailler. Ah, alors. Eh bien, midi, ça va-t-il? Oui. Bon, et le manuscrit, quand l'aurai-je? Vous aurez le premier volume tout à fait dans 15 jours, je m'y engage. Quoi, il y en a dans plusieurs? Deux. Ce que c'est, hein, que d'avoir un bon sujet et dire qu'il ne me remerciera même pas. Enfin, au revoir, Jacqueline. Et le chèque? Demain matin, le chèque. Pourquoi? En signant le papier, ce sera plus régulier. À demain midi, toi. Hein? Je crois que nous l'avons eu cette fois, le crocodile. Oh, magnifique, mon chéri, ton coup de téléphone à Chamillard. Alors, tu ne me méprises plus d'avoir écrit ce livre? Oh, tu es bête, mais je ne t'ai jamais méprisée. Ouais, enfin, tu m'en as voulu, reconnais-le. Oui, oh, un peu. Et maintenant? Évidemment, ça aurait été bien bête de ne pas le faire. Oh, si nous voulons livrer le premier volume dans 15 jours, il n'y a pas une minute à perdre. Oh, chère vieille machine. Tu te rappelles quand tu me dictais l'éveil du cœur il y a 3 ans? Heureux temps revenu. Heureux temps? Enfin... Oh, tu n'étais pas heureux à ce moment-là? Hey, je venais de trouver ton journal de jeune fille au fond d'un tiroir et d'apprendre que tu avais aimé un autre homme avant moi. Je ne pouvais pas être très heureux. Plains-toi. C'est grâce à ça que tu as écrit le livre. Ah, évidemment. Puisque c'est notre destinée... À nous autres, il faut que nous nous déchirions le cœur pour écrire nos livres, comme le pélican se déchire les entrailles pour nourrir ses petits. Nous sommes les pélicans de l'art. Oh, tu ne trouves pas que c'est joli ce que je viens de dire? Hein? Ah oui, les pélicans, oui, si, très très joli. Il faudra noter. Ce qui est affreux, c'est que c'est vrai, tu sais. N'y pense pas. Ah ben, tu es bonne. Si chaque fois que je voudrais écrire un nouveau roman, il faut qu'il y ait un drame dans notre ménage. Tu pourrais essayer d'écrire des romans gays? Ah non, je ne suis vraiment bon que dans la douleur. Alors qu'est-ce que tu veux, mon pauvre chéri? S'il n'y a pas moyen de faire autrement? Eh, évidemment. Mais quelle existence! Vous avez pu écouter « Vient de paraître », pièce en 4 actes d'Édouard Bourdet, avec Jacques Duby, Marc, Daniel Vol, Jacqueline, et Albert Medina, Mosca, Bernard Lavalette, Maréchal, Hubert Bution, Bourgine, Bernard Jousset, Brégaillon, Jean Péméja, Félix, Georges Adet, Amédée, Pierre Pernet, Henri, Edith Perret, la journaliste, Fiamma Walter, Noémie, Roger Brett, le photographe. Chef opérateur du son, Marcel Grenier, assisté de Monique Burguière. Bruitage, Louis Amiel. Assistante, Odile de Pontual. Réalisation, Henri Soubéran.